aujourd'hui dans la vie de croisière d'assemblage requis. Après une longue absence, Stéphanie Gagné est de retour avec ton plat favori. Et Marie-Pierre nous parle de Grizzly Bear et de Bon Iver, donc qui prépare de nouveaux albums. La vie de croisière d'assemblage requis, ce site. J'étais déconcentré, les oiseaux n'arrêtent pas de me figer des yeux, là, me fixer dans le regard. Bonjour, bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Martial Laforge-Bourret. Oui, on est en direct du beau bateau de C'est fou en ce jeudi 19 mai 2011. Si vous écoutez en première diffusion, bienvenue à vous. On a un plan un petit peu moins garni que la semaine dernière parce que les gens, je crois, qui ont un peu comme Macaulay Culkin, a manqué le bateau. Oui, ils ont manqué le bateau. Il est parti sans un, mais c'est pas grave. Donc, on n'aura pas de Simon Fitzbé, on n'aura pas de Maxime Pronovo, on n'aura pas de Marc-Antoine Lavoie. Par contre, on va avoir le retour de Stéphanie Gagné, qui, depuis 2 ans environ, peut-être un petit peu moins que ça, nous fait une chronique Ton plat favori à chaque semaine et nous présente ses coups de cœur. Donc, aujourd'hui, elle est de retour. Elle va nous présenter quelque chose. On ne sait pas encore ce que c'est. Tu vas être surpris, je vais être surpris. Mais j'ai très hâte aussi de savoir c'est quoi son plat favori de la semaine. Ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être de la musique, du cinéma, peut-être du théâtre. Un jour, on l'a mis au défi de nous trouver quelque chose sur le théâtre à un moment donné, juste pour varier. Ce serait le fun. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi aujourd'hui? Tu vas nous présenter plusieurs choses, toi. Oui, entre autres, je vais vous parler d'un festival qui va avoir lieu à Montréal la semaine prochaine. Et je vais vous parler de sorties d'albums, ainsi que d'une petite sortie... Bon, sortie dans l'Anaudière, mais des plus intéressantes. Ah oui? Oui. Du plein air. Ouais, du plein air. Oui. Alors, on va avoir aussi une chronique, c'est un fait, je vais vous présenter ça. Et aujourd'hui, on va avoir, entre autres, dans cette chronique-là, on va parler de dames japonaises qui divertissent soyons pas vulgaires, leur se divertissent elles-mêmes. Ah! C'est tantôt dans la chronique, c'est un fait. Ouais, ben là, on va pas être déplacé ici quand même. On va aussi découvrir un petit peu de musique parce que j'ai écouté E-Ronnie cette semaine. E-Ronnie. Je connais pas ça. Ben, je connaissais pas non plus. Je vais vous en faire entendre tout à l'heure. Donc voilà pour le plan. On va aussi avoir des CD des Beastie Boys à vous donner comme la semaine passée. Donc restez à l'écoute pour ça. On va débuter par contre, comme on le fait tout l'été, avec des pièces du palmarès. Et là, on bascule de semaine en semaine. La semaine passée, on a fait le top 20 francophone. On y va aujourd'hui avec l'anglophone. Et on va commencer avec un petit bloc de nouvelles entrées. Exactement. La première chanson, ça va être Octopus Up de Buddy McNeil and the Magic Mirrors. On écoute ça à l'instant en 20e position. Et eux, on les a déjà eus en entrevue ici à Assemblage Rocky. Tu savais pas ça? Non, je savais pas ça. Ouais, c'est vrai. Buddy McNeil, la vie de croisière, la semblage. Third left and get back up. Now you stand from the top. Get up. numéro 19. Nouvelle entrée. D'entendre Young Galaxy avec We Have Everything. Juste avant, c'était nos très bons amis de Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec une pièce qu'on appelle affectueusement Octopus Hop. parce que c'est son nom. Hein. Ça vient l'album Introducing Once Again, et ça, c'est leur premier album de la formation après avoir fait deux maxi. Et si on parle du vrai nom de Buddy McNeil, ce gars-là, c'est un pionnier du rockabilly qui aurait sommé le groupe Buddy McNeil and the Magic Mirrors à continuer son œuvre. C'est un univers pop 60s qui sonne très, très vieillot, et c'est voulu, c'est leur idée. Donc voilà, Buddy McNeil and the Magic Mirrors. On continue tantôt avec les prochaines positions, les 18, 17 et 16. On parle de The Almost, Megaphonic Thrift et Chromeo. Mais avant ça, Marie-Pierre, tu nous parles de Bon Iver. Oui, je vous parle de Bon Iver, qui est, bon, c'est le projet du chanteur Justin Vernon. Il avait sorti un CD, si on s'en rappelle bien. Il avait sorti un CD qui s'appelait For Emma Forever Ago en 2008. Il avait sorti un EP en 2009 qui s'appelait Blood Bank EP. C'était un EP, dans le fond. Et cette année, il en sort un le 21 juin, et c'est un album qui est très attendu. Bon, si on se rappelle un peu le style de Bon Iver, par exemple sur son album For Emma Forever Ago en 2008, bon, c'était un album qui avait été enregistré, il s'était enfermé en forêt, dans la nature pendant l'hiver, et il avait enregistré un album qui était très, très folk, avec sa voix qu'on reconnaît bien, une voix qui est, bon, qui est pas très grave. C'est une voix qui est plutôt aiguë, et justement, quand il va pousser des notes, ça va être plutôt aiguë, mais c'est une voix qui est douce. Et c'est un sur cet album-là, c'était une ambiance à la fois réconfortante, triste, mais bon, tout en folk, guitare, voix. C'est un album qui était vraiment agréable, et c'est un album qui reste, parce que, bon, je le réécoute encore, même si c'était en 2008, et toujours autant le même plaisir à l'écouter. C'est un album pour toutes les saisons, si on veut. Ouais, un album pour toutes les saisons, mais ça fait très hiver, ça fait quelque chose d'un peu solitude, mais bon, c'est à écouter absolument. Et bon, celui qui sort au mois de juin, donc le mois prochain, ça s'appelle Bon Iver, Bon Iver. Bon, le titre n'est pas très original. Et donc, c'est ça, le 21 juin. Et il y a un de ses singles, Calgary, qui est sorti dernièrement. Et bon, on reconnaît la voix de Bon Iver, mais on constate que son instrumentation est plus complexe. Il y a plus d'instruments que simplement la guitare avec un... Bon, ça paraît tout simplement plus complexe. On s'attend à quelque chose de très bon. Donc, si tu veux bien, on va envoyer Calgary. Oui, le Bon Iver. Et t'embarques pas avec moi dans la prononciation anglophone. Non. C'est comme, tu vas m'entendre tantôt dire « We are enfants terribles ». C'est le nom d'un groupe qu'on joue ici, parce que c'est des anglophones. Don't you cherish me ici? Never keep your eyes clear. Yeah. Alors, on vient d'entendre Calgary de Bon Hiver. Oui, Winnipeg de Joyeux Printemps, ça? Non. Non? OK, je me suis trompé. Justement, parlant de sortie d'album, il y a un groupe qui s'appelle Grizzly Bear qui sont présentement... Ça vient de sortir. Sont la nouvelle. La nouvelle est sortie. L'album la est nouvelle sorti. Est sortie. L'album n'est pas encore sorti, mais l'album s'en vient. Oh! Oui, Grizzly Bear vient d'annoncer sur leur Facebook qu'ils sont en train de préparer un nouvel album. Si on se rappelle bien, Grizzly Bear, il y a à peu près 2 ans, il avait sorti l'album VK Timest avec la chanson Two Weeks, qui est un drôle de vidéoclip vraiment spécial. Si vous aimez les vidéoclips spéciaux, faut voir celui-là. Et avant ça, il avait sorti Yellow House, donc un groupe qui a beaucoup de très bons albums et qui en sort un très bientôt. Donc, s'ils sont en train de l'enregistrer, c'est que ça s'en vient. Ben, c'est ça, il faut bien qu'il commence à quelque part s'il veut finir par sortir. Hein? Ça se fait pas tout seul, son album, étrangement. Non. Comme une émission de radio, ça. C'est pas de ça. Donc, on va aller entendre un extrait de leur précédent album ou un de leurs précédents? C'est du précédent album, VK Timest. C'est la chanson Two Weeks. On écoute ça à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Vous avez remarqué qu'on est rendu à l'intérieur. On s'est loué une chambre, une pièce studio, mettons. Ouais. Pas être dehors toute la... parce que ça devient déconcentrant. Non, c'est ça. Même en bateau, hein. La pluie. Ah, la pluie. Grizzly Bear, la pièce Two Weeks dans la vie de croisière d'assemblage requis. On va passer à notre prochain bloc de palmarès, parce que vous le savez peut-être pas, mais on découle le palmarès tel sur le dos d'une baleine. Chercher quelque chose qu'on aurait pu voir en cours de croisière ici. Mettons de balade. Donc, on va entendre les positions numéro 18, 17 et 16. Tout à l'heure, il va y avoir Chromeo avec Don't Turn the Lights On et The Megaphonic Thrift. Mais on débute avec The Almost. C'est la pièce, ça? July. Oh, July. Ah, oh, c'est l'été, ça, July. Jambalaya. July. Est-ce que j'ai hâte en juillet? Non, il y a des bébites en juillet. J'ai mis le mois de mai. Mai-juin. Mai-juin, ouais, ouais. C'était Chromeo avec la pièce Don't Turn the Lights On, nouvelle entrée en 16e position anglophone. Et en 17e position, c'était The Megaphonic Thrift avec Talks Like the Weed King. Et on a débuté avec The Almost et July en position numéro 18. Et eux, The Almost, ça c'est l'extrait numéro 2 de ce maxi-là. Le premier était Birmingham, ça c'était July. Et puis un projet connexe à ça de Aaron Gillespie, un des membres du groupe, vous pouvez le retrouver. Sur album, non, c'est aarongmerch.com. Si vous voulez acheter son album, il y a tout plein de trucs à acheter sur son site. Dépenser de l'argent, ben. Marie-Pierre, La Forge-Bourret. Oui. Tu aimes toujours notre bateau de croisière. Oui, tant que ça ne me donne pas le mal de mer, mais jusque-là, ça va. C'est moins pire quand on fait l'émission dans le petit studio aménagé à l'intérieur du bateau. Il y a moins les bruits d'ambiance autour. Oui. Ça te fait moins mal au cœur. Donc, voici la collecte, c'est un fait. Donc, ça n'est pas le mal de mer. Peut-être que là, tu vas l'avoir parce que je te parle d'eau. Ah, OK. Ben oui. Je suis prête. Tu connais le mont Cameroun? Non. Il y a un mont qui s'appelle le mont Cameroun. C'est l'un des trois endroits les plus mouillés sur Terre dans le monde au complet. À chaque année, il pleut plus de 33 pieds d'eau dessus sur ce mont-là. Mont Cameroun. Eh ben, je cherchais pour voir si c'était situé où exactement, le mont Cameroun. C'est un volcan actif au Cameroun, près du golfe de la Guinée. Eh ben, c'est super ça. Point culminant de la ligne du... En tout cas, Wikipédia ne veut pas collaborer, c'est pas grave. Continuons avec jusqu'aux années 1800, les femmes en Turquie, d'accord, les femmes qu'on pensait qu'ils avaient trompé leur mari, on les mettait dans un sac avec des chats. Avec des chats? Avec des chats, et on les jetait dans l'océan, selon okay. Internet. On fait... Et est-ce qu'ils allaient les repêcher ou ils les laissaient. Je crois que c'était pas mal à eux de se débrouiller, là. Ah, OK. ou pas, ou encore de mourir. S'il y avait de la chance, ils s'en sortaient, sinon. C'est ça. Je pense que ça devait pas être très, très beau à voir. Ça. Non. À l'intérieur de ce sac-là. Mais surtout que c'est triste si la personne est juste soupçonnée, mais que c'est pas avéré. Exactement, c'est ça. Les preuves sont où, les preuves, là? Je t'ai parlé plus tôt dans l'émission de femmes japonaises qui s'occupaient de leurs propres affaires, elles aussi. Oui. 75% des femmes japonaises sont propriétaires de vibrateurs. Et alors ben. Que la moyenne dans le reste du monde est de 47%. Donc 75% des femmes japonaises ont un vibrateur. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il au Japon? Ah, je sais pas. Les appartements, les pièces sont très très petites. Peut-être qu'ils n'ont pas de place pour leurs copains. peut-être bien. Tu connais les barres de chocolat Snickers? J'espère oui. Bien. Les Snickers ont été nommés d'après le cheval que la famille Mars avait. Donc, vous avez un cheval qui s'appelait Snickers et quand ils ont sorti leur barre de chocolat, ils l'ont appelé comme ça. Eh bien. Tu connais peut-être les duffel bags. Il y en a peut-être moins. Là. Peut-être que tu connais moins ça, les duffel bags. C'est non, les ça me sacs fait juste... de toile. Duffel bags, ça fait juste penser à douche bag, mais c'est oui. Absolument pas la même chose. Non, pas la même chose. C'est un petit peu moins divertissant, je trouve. Un peu moins le fun à regarder qu'un douche bag. Les bags, c'est très divertissant pour moi. Donc, le duffel bag, c'est vraiment les sacs de toile. Il y a des gens qui s'en servent comme sac de sport ou des trucs comme ça. T'sais, c'est avec un attache. Quand tu mets le sac à la verticale, l'attache est en haut de ça. Ah, OK. Comment tissu? Bon, bref. Le duffel bag. Moi, je me suis toujours demandé d'où venait ce nom-là. Ça vient de la ville de Duffel, en Belgique. C'est là que le tissu qui est utilisé dans la fabrication des sacs était vendu à l'origine. Donc, ça vient de Duffel, en Belgique. Eh ben. Les Olympiques de 1900, les Olympiques d'été à Paris, avaient un événement de tir au pigeon. Événement qui n'a jamais eu lieu une autre fois après. C'était seulement en 1900 aux Olympiques d'été. Fini après ça. Pourquoi c'est fini après ça? J'ai aucune idée. Avant de décider de choisir les Spaghetti O's, tu connais les Spaghetti O's, les cannes de nouilles aux spaghetti, Chef Boyardee, genre. Ah, OK. Mais non, je connaissais pas ça avant que tu c'est me parles. C'est pas mauvais. C'est un genre. Bon. Donc, avant de décider de faire les Spaghetti O's, d'autres formes qui ont été considérées pour les pâtes en canne, il y avait des astronautes, des cow-boys et des Indiens. Mais là, évidemment, c'est devenu des O's, des cercles. OK, attends. C'est simple. Les pâtes étaient en astronaute? En forme d'astronaute. OK. Ouais, ben c'est plus ça. Fun de manger, il me semble, quand c'est ce que je me dis. Mais au moins, il y a d'autres sortes, comme les Scooby-Doo. Là. T'as des pâtes Scooby-Doo. T'avais des pâtes Mario Bros. Je me rappelle très bien, j'en mangeais tout le temps. Appétissant. Ah, j'adore ça. Allons-y avec des compétitions de air guitar qui ont lieu à toutes les années. C'est des compétitions nationales et internationales. Donc, c'est les United States Air Guitar Championship. Il y a des règles à ce Air Guitar World Championship. Chaque performance doit être faite sur une minute de musique, une minute de chanson, 60 secondes juste. Les 60 secondes peuvent commencer n'importe quand dans la chanson. OK. Les instruments doivent être invisibles, évidemment. Et, air guitar. Hein? Et doivent être une guitare, donc il n'y a pas de air drums, même s'il y a des gens qui aiment ça, jouer du air drum, mais c'est pas la compétition, c'est le air guitar. Il faut mettre des règles, sinon ça va être le free-for-all total, ça va être quoi, tu sais, de l'air harmonica, là. Voyons, non, on arrête à quelque part. On a le droit d'avoir un air roadie, donc il y a une personne qui s'occupe de ranger les trucs, les fils et tout ça. Okay. Par contre, ils doivent quitter le plateau, la scène, avant que la performance commence. Donc, pourquoi t'as un air roadie pour transporter ta air guitar? C'est logique. Ouais, mais pour transporter ta air guitar, puis bon, pour que le spectateur peut-être se sente dedans, là, ouais, ça arrive. Ça. c'est des rockstars, finalement. Quand même. Faut vraiment l'ambiance. Ils n'ont pas le droit à un backup band, donc avoir des invités derrière eux, d'autres musiciens, qui soient air ou réels. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir ça. L'organisation a même son Hall of Fame avec les performances les plus énergiques ou énergétiques, en tout cas. Rapide d'énergie, énergique, voilà. Du circuit de l'air guitar, si on veut l'air guitar circuit. Voilà, donc c'est les United States Air Guitar Championships. Si vous voulez plus de détails, c'est usairguitar.com. Bon. Beau petit site web pour se renseigner. Parlant de guitare, la plus petite guitare du monde est de la grosseur d'une cellule de sang humain. OK. D'accord. Donc, le petit instrument a été, si on veut, gossé, hein, presque, dans du... là, j'ai le terme juste en anglais. Crystalline silicone. Silicone cristallin, quelque chose du genre. Par un scientifique de l'Université Cornell en 1997, cette nano-guitare mesure 10 micromètres de long, avec 6 cordes qui mesurent chacune 50 nanomètres ou 100 atomes de large. C'est bizarre, hein? Mais je comprends pas c'est quoi le but en même temps de faire ça. C'est comme, faut avoir du temps à perdre. Probablement, ou vouloir faire parler de soi-même. Je pense C'est quand même un drôle de but. Ouais, il y aurait plein d'autres façons. Faire une minuscule guitare, ouais. Ouais. Et le pire, c'est que tu peux jouer de la guitare, disons avec un microscope, puis c'est avec les instruments pour le faire. Ça ferait un son d'instrument, mais à une fréquence qui ne peut pas être détectée par l'être humain, évidemment. Pas très surprenant. Peut-être que les chiens se mettraient à aboyer partout, par contre. C'est triste un peu. Triste tellement que, comme l'article dit, il va falloir sortir le plus petit violon du monde pour jouer la plus petite chanson du monde pour la tristesse de ne pas pouvoir entendre le son de cette nano-guitare. Tu connais les grenades là, dans l'armée et tout ça? L'arme, la grenade, là, tu connais ça? Tu enlèves ça et chou, non? Ça a été nommé, ça, en l'honneur des, ce qu'on appelle en mauvais français, des pommes-grenades. Dans le fond, les grenadines, c'est ça le fruit, les grenades? Ben oui, les pommes-grenades, le fruit qui se mange. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est exactement. Donc, le nom de l'explosif vient de ce... Le fruit qui se mange. Le fruit qui se mange. Contrairement au fruit qui se mange pas, évidemment, ouais. Ça arrive. Donc, c'est un mot de vieux français, pomme-grenade, parce que je crois, si je me trompe pas, en français, le mot, on n'est pas supposé dire pomme-grenade en tant que tel. En anglais, on dit pomme-grenade. En français, je pense que c'est juste une... Une grenade, peut-être? Il me semble que c'est juste une grenade, je crois. Bon, je suis pas sûr. Bref, le nom de grenade est supposé montrer la similarité dans la forme entre une pomme-grenade, comme on appelle, et une vraie grenade. D'ailleurs, les pommes-grenades, comme ça, peuvent exploser lorsqu'elles sont trop mûres pour envoyer leurs graines un petit peu partout sur un plus grand périmètre. J'ai vraiment fait grand périmètre. Donc, elles explosent et puis envoient leurs graines partout. C'est pour ça que ça s'appelle une grenade ou un douchebag. Qui envoie leurs graines partout. OK, bon. Oh! Ouais. Tu dis les pommes grenades, les pommes de grenade qui explosent. Ouais. Moi, je serais tentée à essayer. Oui. Mais je sais pas si on peut. Je sais pas, en laisser comme mûrir un à un point tel que, je sais pas, tu reviens de l'école puis c'est fini, il n'y a plus de pommes grenades. On va essayer. Je vais sérieusement l'essayer. Puis je vais vous revenir avec ça. On attend la conclusion de tout ça. Le mot alligator, on est dans la langue, pas anglaise, française ou de peu importe, là, c'est comme différentes façons d'analyser les mots. Le mot alligator vient du mot espagnol pour un lézard. Donc, les explorateurs espagnols appelaient ces créatures El Lagarto de Indias, qui veut dire le lézard des Indes. Donc, à travers les années, le mot espagnol, l'article et le mot ont été mélangés ensemble. Donc, on parle de El Lagarto. El, c'est l'article. Donc, ça a été mélangé pour faire alligator. Donc, quand on appelle un alligator, l'alligator, c'est comme dire l'alligator. T'sais. Parce que l'article est inclus dans alligator. Donc, l'alligator, c'est comme l'alligator. Ça va? D'accord. Vous pouvez en savoir plus sur l'origine des alligators dans l'article sur assemblagerequis.com. Et encore plus confus, dit-on, même si le mot alligator vient du mot espagnol pour lézard, le mot espagnol pour alligator est caïman, mais le mot caïman définit un autre animal qui n'est pas un alligator. Ça, c'est mêle, hein? C'est compliqué. Je sais pas comment faire du ménage là-dedans. Il nous en reste quelques-uns. Je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, quelques-uns. Je t'invite à aller voir sur assemblagerequis.com une petite vidéo que j'ai postée dans la section C'est un fait. C'est JaVale McGee des Wizards de Washington. Ça, c'est du basketball. Je l'ai appris moi aussi en lisant l'article. Qui a réussi à faire 3 paniers d'un coup dans un seul saut. Okay? C'était un dunk contest dans une partie de NBA All-Star. Là. C'est sûrement Marc-Antoine qui nous aurait clarifié ça avec sa chronique de sport. Il aurait tout compris. Qui a réussi à faire entrer 2 paniers qu'il avait dans ses mains, 2 ballons qu'il avait dans ses mains en sautant, pendant qu'un autre gars situé à côté, lui, envoyait un ballon vers le panier. Donc, il a fait descendre les 2 avec ses mains et a ensuite tapoché le 3e qui venait d'être envoyé par l'autre gars. Ça a fait 3 ballons en un seul saut. Donc, grâce à... Ben, c'est lui, le gars, c'est JVL McGee et son ami John Wall. Donc, c'est le record pour le plus de ballons mis dans un panier en un seul et unique saut. Par contre, c'était pas assez impressionnant pour qu'il gagne le concours. Pour qu'il gagne le concours, c'est ça nous dit. Mais bref, vous pouvez regarder la vidéo sur assemblagerequis.com. Je sais pas qui a gagné. Mais bon, je sais que lui est impressionnant et que c'est trois ballons. Bon, c'est ça que ça veut dire. On va terminer avec un petit fait rapide comme ça. Savais-tu que ça n'existe pas les animaux de compagnie à 100% hypoallergènes? Moi, j'étais sûr que ça existait. J'étais convaincu que le mien l'était. On m'avait dit que c'était le cas, mais c'est pas vrai. Non. Donc, les animaux hypoallergènes, ce n'est pas quelque chose de tout à fait véridique. La plupart de ces animaux-là perdent, dans le fond, juste moins de poils ou encore ne perdent pas leurs poils. Mais par contre, on ne peut pas éliminer les allergènes des chats et des chiens, même s'ils ne perdent pas de poils. C'est à cause d'un problème, dans le fond... Ça dit que les chats, entre autres, ont des allergènes dans leur salive qui vont donc se rendre à leur fourrure lorsqu'ils vont se nettoyer. Donc, ces animaux-là perdent aussi des cellules mortes qui, typiquement, ont été remplies de ces allergènes-là. Donc, peu importe ce que vous faites, il va y avoir des allergènes autour de votre animal, que ce soit un chat ou un chien. Donc, même si la place où vous l'achetez, dites que c'est... on dit que c'est 100% allergène. Hypoallergène, c'est pas le cas. Mais c'est ça, dans le fond, quand les personnes qui sont allergiques aux chats disent « je suis allergique au chat », c'est pas nécessairement au poil, c'est vraiment à la salive. C'est ça. Et la salive transfère ça vers les poils. Donc, c'est pour ça que même si vous avez du poil de chat proche de vous, et les allergies sont pires, mais c'est à cause qu'il y avait de l'allergène sur le poil et non pas le poil en tant que. Est-ce que c'est clair? Je crois que oui. Et on termine avec Mana Mana. Je sais pas si tu te rappelles la chanson Mana Mana. Non? Non. Tu connais pas cette chanson-là, Mana Mana? Est-ce que mon extrait va marcher cette fois-ci? Je suis pas sûr. Non, il n'a pas l'air de marcher. Je suis sûr qu'il allait marcher. J'en avais un autre. Attention. Celui-ci. Non, il ne marche pas non plus. Ah, c'est le fun. J'aime ça quand mes extraits ne marchent pas. Mais Mana Mana, la chanson des marionnettes de Jim Henson, est apparue pour la première fois. La phrase, pas les marionnettes. Ah. Là, tu la connais? Oui. Un peu. Donc, la première mention de la phrase Mana Mana, c'est dans un film italien de 1968, Sweden, Heaven and Hell, qui parlait de sexualité en Suède. C'est là que la phrase est apparue et ensuite, on a fait une chanson avec des marionnettes. De Jim Henson. C'est super. J'adore cette chanson-là. C'est bon. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana, mana, mana. C'est joli. On va terminer l'heure ici. On va prendre une petite pause et se retrouver pour une deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Et dans cette deuxième heure-là, on va avoir Stéphanie Gagné, notre belle collègue qui est de retour enfin. Oui. On s'ennuie du monde qui ne revienne pas nous voir pendant quelques mois, ça, c'est vrai. On est des humains, ça. On s'ennuie. Elle nous parlait de son coup de cœur de la semaine, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça a rapport avec le théâtre, en fait? Est-ce qu'elle va avoir enfin réalisé son défi de parler de théâtre? Ah, j'aimerais ça, moi. Ouais, c'est fun. Oui. Restez là. Vous êtes assez fous. 92.9. Bon, retour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Elle, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante. Hey, j'étais pas sûr que ça allait être souvenu de mon nom. Ben oui. Donc, deuxième heure de l'émission et évidemment, tout plein de plaisir pour encore 3 heures parce que oui, on fait 4 heures tout l'été, les jeudis entre 13h et 17h et on repasse les samedis à midi et les lundis à 15h, tu savais pas ça? Hein? Ben oui, je le savais. Tu savais? Mais je t'apprends oui. Rien. J'espère que j'apprends rien aux requins non plus parce que les requins sont tous très, très intelligents, savais-tu? Ça pourrait être un fait. J'imagine que les requins sont très, très bien. Bien instruits. Ils ont les dents serrées aussi. Voilà, voilà. Donc, on était rendu toujours dans le palmarès anglophone parce qu'on varie d'une semaine à l'autre franco-anglo. On était rendu à la position numéro 15. C'est ça. Donc, tantôt, il va y avoir Armistice en 14e avec City Lights Cry. Mais on commence avec la 15e position. Qui est Pepper Maps avec Reunion. C'est comme les chats. Attention, l'allergie, c'est dans la salive. Non? T'aimes pas mes imitations de chats? Voyons là! numéro 14. And don't take that card. It's not you that gets hurt tonight. Let alone danger. Peace of mind is not hard to find. I heard you were lonely. Is it what making me the fool for trusting your halo and those tales that became too cruel? I'll leave you for someone tonight. The shapes of the city lights burning too bright, and I know you won't run, you won't chase me there, and that gets to me more and more every day. But you claim that I. On vient tout juste d'entendre City Lights Cry de Armistice. Oui, avant c'était Paper Maps avec Reunion qui monte de 4 places. Les deux étaient des nouvelles entrées la semaine passée, donc ça monte tranquillement mais vraiment pas vite. Il y a des choses comme ça qui montent pas si vite que ça. T'sais? Faut faire durer le plaisir quand même un peu. Un peu. Comme une femme japonaise. Dans sa... Ouf. Ouais, c'est douteux un peu comme lien, surtout pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas entendu la chronique de tantôt. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Dans quelques minutes, dans, je dirais, une vingtaine de minutes, un petit peu plus que ça peut-être, on va avoir Stéphanie Gagné qui va nous présenter son coup de cœur de la semaine. On ne sait pas encore ce que c'est. On ne sait pas à quel... est-ce qu'on peut s'attendre à la revoir éventuellement cet été? Est-ce qu'elle va revenir à un moment donné? Est-ce qu'elle va faire plusieurs chroniques? On ne sait pas encore. On l'espère. On l'espère, bien. Mais pour l'instant, on va l'entendre la position numéro 13. Tout à l'heure, il va y avoir Wolf & Cobb en 12e avec Master, mais on débute avec... Avec Shotgun Jimmy, Late Last Year. Late, qu'est-ce qu'on faisait late last year? Je ne sais pas. On n'était pas en croisière, en tout cas. Oh non. Oh non. Quelle météo, hein? Hein? La météo, elle existe. Oh my darling, the legs under this table are independently bumping into mine. They're on a mission to played last year, signal coming clear, and I saw you at the bar. We had a few beers and I walked you home, and the sky was clear and it was filled with stars, like we were filled with beers. And I got distracted in a winter wonderland, and I felt nostalgic and wanted to hold your hand, but I didn't know you well enough to ask. Plus I was afraid, cause I thought that you were pretty badass, and not in old hands. It was late last year, signal coming in clear, and I saw you at the bar. We had a few beers and I walked you home, and the sky was clear and it was filled with stars, like we were filled with beers. And I got distracted in a winter wonderland, and I felt nostalgic and wanted to hold your hand, but I didn't know you well enough to last. Plus I was afraid, cause I thought that you were pretty badass, and not in the holding hands. Numéro 12. Thank you. Wolf and Cobb et Master en position numéro 12, stable. J'adore ça, Wolf and Cobb. Sérieusement, j'adore ça. Je trouve ça très bon. Non? Ben oui, c'est ben très oui. bon. Okay. Et avant, en 13e position, c'était Shotgun Jimmy avec Late Last Year. Ouais. Évidemment, on aime tout presque ce qu'il y a dans les palmarès ici. Assez fou. Parce que c'est quand même les animateurs qui décident ce qui monte et ce qui descend. Et quelque chose qui n'est pas très, très bon, que personne n'aime, ça ne va pas durer très, très longtemps. Effectivement. Ça arrive. Maintenant qu'on parcourt le top 20 cette semaine, et la semaine prochaine, on fera le top 20 francophone. Là, c'est ça, c'est l'anglophone cette semaine, parce que francophone, parce qu'on bascule franco-anglo, franco-anglo, jusqu'à la fin de l'été, et 20 pièces par semaine. Je pense qu'à un moment donné, ça fait le tour de la... À la fin de l'été, ce serait le fun. Est-ce qu'on pourrait faire un top 10 anglo, top 10 franco dans la même émission? Hey, hein, ça serait incroyable, ça. Ce serait comme un top 20 bilingue. Oui, main dans la main, comme... solidarité des races et tout, là. Et des langues et des. Et tout ça, là. Des sexes. Et tout. Non? OK. Bon, donc, je disais donc que vous êtes toujours à l'avis de croisière d'assemblage requis. Tout à l'heure, Stéphanie Gagné, est-ce que je dois le dire maintes et maintes fois avant la chronique? Je pense que oui, étant donné qu'on n'a pas d'autres chroniqueurs aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle que d'elle. On a vraiment l'impression qu'il y a juste ça dans l'émission, mais c'est pas le cas. T'as des chroniques, j'ai des chroniques. Exactement. C'est ça. On va aller aux positions numéro. On commence par la 11e, je dirais, moi. On va entendre The Two Coreas avec Midnight Brown qui va monter de deux places. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre Enjoy Your Pumas, Do It Every Day. Toujours drôle. Ça, moi, j'aime ça. Tu sais, des noms de groupes que tu fais, ben voyons. Pourquoi? Enjoy Your Pumas. Pourquoi Enjoy Your Pumas? On ne saura jamais. C'est juste drôle. C'est comme Grizzly Bear, c'est pas ma main. Ouais, mais. Ça dépend. On va en jaser. On va jaser des plus bizarres noms de bands. On pourrait faire un petit top de ça. Okay. On va faire un blog, du moins. Oh! In sync with her. this time you're wrong. This is not making right. I choose not to collide, to fight or to deny. How do you live? How do you live your fantasy? Joyeux Pumas et la pièce Do It Every Day, ça monte de 4 places en 10e position anglophone, évidemment. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi-même Mathieu Plante. Parlons de quelque chose qui a lieu ce soir ben, pour les auditeurs du jeudi, évidemment, le 19 mai, 14h20, en direct du bateau SS Requis. Hein? Exactement. Ouais. Est-ce que tu connais les Cafés de l'amour? Non, je connais pas ça. Ben moi non plus, je connaissais pas ça avant de lire ce texte. Les Cafés de l'amour débarquent au Québec. Il y a trois soirées, les 17, 18 et 19 mai. Celle de Trois-Rivières, c'est le 19 mai, donc aujourd'hui à 20h. Donc parlons-en. La Parisienne Bénédicte Anne, coach amoureux et auteur du livre « Le prochain, c'est le bon », inventé lors de la Saint-Valentin 2004, le concept du Café de l'amour. Dans l'esprit des cafés philo entre le salon littéraire et l'atelier de développement personnel, il s'agit d'éclairer la relation amoureuse à travers différentes perspectives sur le développement personnel, la psychologie, la philosophie, la sociologie, et la psychanalyse pour présenter au plus grand nombre des approches qui aident à aimer et à être aimé. Formée en psychologie, passionnée par les ressorts intimes du lien amoureux, Bénédicte Anne a aussi créé une agence de mise en relation et une école de séduction dans laquelle elle a développé les fondements d'un diagnostic amoureux, entre guillemets, percutant, nous dit-on. Après Paris, Bruxelles, Luxembourg, Montreux, Monaco, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Nantes, Montpellier et Marseille, il était temps d'exporter le Café de l'amour à Québec, Montréal et Trois-Rivières. Donc, il y avait une soirée mardi à Québec. Là, je vous raconterai pas tout, mais vous avez raté le thème de mieux voyager en amour. Petit kit de survie dans la nouvelle jungle des relations amoureuses. Ensuite, donc, hier et aujourd'hui. Donc, hier, c'était à Montréal et aujourd'hui, c'était à Trois-Rivières. Je vais vous raconter ce qui a lieu ce soir au Zénob. Bénédicte Anne et Jean-Sébastien Marsan, co-auteurs du livre « Les Québécois ne veulent plus draguer ». Thème, décoder les comportements émergents des hommes et des femmes dans leur relation intime. Comment éviter les erreurs de casting et les relations bancales pour aimer et être aimé durablement. Les enjeux de la rencontre d'aujourd'hui, de nouvelles règles. Ce Café de l'amour illustrera de façon théorique et pratique quelques étapes de l'interaction amoureuse. Qu'ai-je envie de vivre, entre guillemets, me positionner en fonction de mes désirs et mes besoins et quelles sont mes valeurs et qu'ai-je envie de partager. Donc, ça coûte 15$. C'est au Café-Bar Le Zénob sur la rue Bonaventure à Trois-Rivières ce soir, jeudi le 19 mai à 20h. Donc, soyez-y. Si vous voulez plus d'informations, c'est cafédelamour.fr. Il y a aussi plus d'informations sur le livre de Bénédicte Anne sur leprochaincestlebon.com. Voilà, Zénob ce soir. Quelque chose, hein? Mais je savais pas que ça existait. Moi non plus. Moi non plus. On c'est l'en le concept un peu philo, salon littéraire, développement personnel. Mm. J'imagine que c'est un mix qui doit fonctionner. Ça doit. Pour certaines personnes, je sais pas. Ça fonctionne dans plein d'endroits dans le monde, donc pourquoi pas Trois-Rivières. Vous pouvez chercher sur Facebook le Café de l'amour en tournée au Québec. Si vous voulez plus d'informations et pour relire le texte que je viens de vous lire. Voilà, donc c'est là ce soir, 20h. Toujours dans la vie de croisière d'assemblage requis, on va prendre une petite pause de notre palmarès. Oui. Pourquoi pas? On arrête ça là, on recommence ça tantôt. On a toute l'émission pour le faire jouer. Oui. C'est toi qui as choisi la prochaine pièce qu'on va entendre. Oui, dans le fond, on s'est dit, bon, on va prendre un petit break de palmarès pour faire jouer nos propres choix musicaux. On a des goûts, nous aussi. Il n'y a pas que le palmarès dans la vie. Même si la plupart des affaires que j'écoute, c'est des affaires de palmarès, on s'entend là-dessus. Mais bon, quand même. Toi, ce n'est pas le cas. Mais en fait, ça l'aide un peu parce que la pâte à rose, c'est quelque chose qu'on joue depuis des années ici, assez fou. On adore ça. Tu vas nous faire entendre la pièce Pacemaker? Oui. Bon, ben on l'écoute à l'instant à Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est fou. Oh. Ah, et Stéphanie s'en vient. Elle va aimer ça. Ça fait super été. Oui. Yeah! Marie-Pierre et Mathieu vous montent le bateau. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 The Gorillaz. Ah, que j'adore cette pièce. Savez-vous, les filles, je me permets de vous appeler les filles, probablement. Les filles, c'est Marie-Pierre et Stéphanie Gagné, qui pourraient parler parce que son intro n'a pas encore joué, tu savais ça? C'est... Et de même, Stéphanie. Hein, c'est... Donc, Marie-Pierre, c'est oui. La fille. Allô? Oui. Cette pièce-là, The Gorillaz, Plastic Beach, tu vas rire de moi et je te le permets facilement. Et dans Dance Dance Revolution sur la PS3, je sais, Stéphanie est en train de rire à côté. Et dedans. Fait que j'aime bien gros cette pièce-là pour ça. Hein? Bon, t'as le droit problème. De l'aimer, elle est bonne la pièce ici. Bon. Ok, je vais ouvrir sa musique, comme ça elle va pouvoir parler, Stéphanie. Ton plat favori. Je suis ton plat favori, sois sur ton bistouri. Non, non, tu comprends pas. Mathieu qui fait son coming out de Dance Dance Revolution. Ben oui, j'ai pas le choix. Faut bien à un moment donné que je fasse de quoi, hein? c'est ça. Ouais. Je t'imagine tellement pas en train de danser dans ton salon là-dessus. Là. Imagine-le pas, c'est mieux comme ça pour j'aime mieux pas, honnêtement. C'est ça. Mais bref, Plastic Beach, il sent le début, parce que le début est long, trop. C'est comme des radios commerciales dans Dance Revolution, hein. Ça coupe les débuts, ça coupe les fins, ça coupe les milieux. Les petits solos, oublie ça. Vive la coupure de musique. Bon, donc mon historial étant terminé, Stéphanie qui vient nous rejoindre après quoi? Au moins, je dirais un bon 3 semaines, un mois? Ouais, à peu près un mois, je pense. D'absence? Oui, ça fut très dur. Hein. Et t'as réussi à trouver le chemin vers le bateau assez facilement? Ouais, c'est ça, il était perdu quelque part, triangle des Bermudes. C'est ça, on n'a pas encore dit où on était situé, mais on est évidemment dans l'endroit où il y a le triangle des Bermudes. Là, c'est le Bermudas. Bien sûr. N'importe quoi. Donc, de quoi tu nous parles cette semaine? Je parle des deux derniers CD que j'ai achetés il y a environ un mois, justement. J'ai acheté le dernier The Maccabees. Bon, c'est pas super récent, là, mais c'est pas grave. Moi, je viens de découvrir ça. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Ah, c'est vraiment... Je suis contente au moins. J'ai pas l'air d'une fille qui est super en retard, même si je le suis. En fait, c'est un groupe anglais. Tu sais comment j'aime les groupes anglais. J'adore ça. Oui, ils ont sorti... un accent oui, britannique. Oui, j'adore. Ils ont sorti deux albums, Color It In en 2007 et Wall of Arms en 2009, qui est l'album que j'ai acheté. Il y a une voix très Wynn Butler, le chanteur de Arcade Fire. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. C'est vraiment bon. Puis des fois, il y a des pièces aussi qui me font penser à The National. C'est vraiment bon. Mais la pièce que je vais vous faire écouter, ça ressemble pas à The National. C'est vraiment... On reconnaît tout de suite la voix. Ça ressemble vraiment à Arcade Fire, mais c'est super bon. C'est la pièce Love You Better, la première pièce de l'album Wall of Arms. Et c'est celle-là qu'on va aller écouter. Dans la vie de croisière d'assemblage requis. We'll be right back. The Maccabees avec Love You Better dans la chronique Ton plat favori. Maccabees. Oui, c'est très bon, hein? Oui. Est-ce que ça vous a fait penser à Arcade Fire un peu? La voix du chanteur. Ouais, vraiment. Ouais, définitivement. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré quand j'ai acheté l'album. Et l'autre CD que j'ai acheté récemment, un groupe un peu plus connu, Peter Bjorn and John, que tout le monde connaît pour Young Folks. La chanson Tout le monde sait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je peux aller siffler, fait que je ne ferai pas le cul. Moi non plus, comme vous avez vu ou entendu il y a deux secondes. Donc, c'est ça. Ils ont sorti un sixième album, Give Me Some, en mars 2011, et je viens de l'acheter. Est-ce que je me trompe ou c'est la pochette avec les plein de pouces? Ouais, c'est ça. Les mains avec plein de pouces. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Pochette rose avec une main bleue coupée. Saumon plus que rose, là. Je te demande pardon. Oh, je m'excuse. Moi, je suis comme un... Je m'allais dire comme un gars, mais toi, t'es un gars, puis tu dis saumon pourtant. Mais moi, dans ma tête, il y a comme les couleurs... un petit peu plus que les couleurs primaires, puis ça arrête là. Il y a le blanc, il y a le noir, bleu, rouge, vert, jaune. J'ai hâte de voir ton nouvel appart. C'est très beau chez nous, tout ça. Bon. Avec mes trois divans. Donc. Oui, et ta piscine creusée. Et ton, j'ai pas de piscine creusée. Trois divans, Stéphanie, voyons. Arrête de m'écœurer. C'est trop, qu'est-ce que tu fais avec trois divans? Tu varies de jour en jour? Non, en fait, je m'assieds tout le temps à la même place. C'est pour avoir des invités pour tes chats? Ouais. Ouais. Il y a une chaise, c'est celle d'un chat, etc. OK. Bref. Bon. Donc, le single qui est sorti, le premier de l'album Gimme Some, c'est Second Chance. Mais moi, je vais en faire écouter un autre parce que je l'aime plus. C'est la première pièce aussi de cet album-là, c'est Tomorrow Has to Wait. J'adore les paroles, j'adore la pièce, la musique, tout. Et c'est vraiment un bon album. À écouter sur repeat dans l'auto. C'est noté. C'est bon. Bon, on écoute ça. Allons-y. OK. Elle a demandé. Trois divans, hein. Pas un, pas deux. C'est des gros divans chaque? Non, non. Okay. Non. Des fauteuils. Je sais pas, moi je suis comme un gars, c'est des divans, c'est tout des divans. Combien de places en tout, mettons? Ça prend trop de temps. 5 à 8, mettons. Ah. À compter pendant 10 minutes, c'est trop. I don't think that you are sorry for what you did. You are sorry for what you did. I know you need it, and you just don't know how to quit. I don't think that you are sorry for what you did. I don't think that you are sorry for what you did. I know you need it, and you just don't know. Sorry for what you did. I don't think that you are sorry for what you did. I Tomorrow Has to Wait, Peter Bjorn and John. Wow, hein? C'est le dernier album, Gimme Some. C'est bon, Gimme Some. C'est bon, hein? Oui. C'est super joyeux. J'aime les paroles. Mm-hmm. Bonjour. It's the time of your life, so tomorrow has to wait. C'est mon état d'esprit. Ah oui? Ça va-tu être ton prochain tattoo? Non, là, faut que j'arrête. T'en as combien? Est-ce que t'as compté autant de divans que de... 9? Ben c'est ça, c'est une place de moins que de place sur tes divans. Merci Stéphanie. Ben de rien, merci. Ouais. Moi, je vais te faire entendre une pièce parce que d'habitude, Marie-Pierre, je te mets au courant. D'habitude, quand Stéphanie fait son plat favori, moi, je complète avec mon dessert, etc. T'sais. Là, j'avais pas vraiment envie de réfléchir tant que ça. Je me suis dit, une pièce que j'aime bien en ce moment, de toute façon, c'est celle qui joue dans une publicité à télé comme toujours. C'est pas mal de temps ça. Vous allez tous la reconnaître. Télus ou Non, non, ben, je sais pas trop. Je pense que c'est des autos, quelque chose de genre. Oh. J'ai aucune idée de laquelle. Mais c'est celle de choses Neon Trees, là, Animal, t'as connu? Ah, je l'adore. Tu l'as déjà fait jouer, je pense, dans cette chronique-là. Oui, mais en effet. Ça me tente juste de la faire jouer parce que je l'aime. Three, two, ouais. Pas grave. Ouais. On écoutera ça après la pub qui joue sur YouTube. Hey, si tu fatigues ça, Astor. Ouais. Maudite publicité YouTube. Sachez que les liens de la chronique de Stéphanie et les autres liens de l'émission d'aujourd'hui vont être sur assemblagerequis.com. C'est le site de l'émission, assemblagerequis.com. D'accord. Et sinon, vous pouvez passer par le www.cfou.ca. Il reste à peu près la moitié de la pub, donc je vais remplir encore plus que ça. www. Ça, c'est sur Internet. Là, c'est .cfou.ca. C'est la touche juste à côté de l'accent aigu. Point. Ah. OK. Point, ça, c'est, oh, oh, c'est ça. C'est comme, oh. C'est comme K. Ça, point .ca. C'est comme le ça mot, mot K. Donc, Neon Trees Animal, tout de suite. Wow. Il passe à en sortir, hein? Tata à la fin de la chanson, il a fait des tatas. Il est pas cute, hein, chanteur. Ben, moi, j'aime pas ça, la mode de, on a un mohawk puis on a l'air full rock'n'roll, mais on chante du gros pop. C'est ça comme Puck d'Anglie, c'est ça? Ouais! C'est ça. Tout revient toujours à Glee, ben Pierre, tout ça. Tout revient à Glee, tout le temps. Faudrait que j'écoute, j'ai jamais écouté. Ah, ça vaut la peine. Ah, c'est tellement inquiétant, mais c'est tellement bon. Donc, Neon Trees avec Animal, on le sait, c'est une pièce qui est sortie il y a très très longtemps. Ça recommence à faire fureur en ce moment, ça joue partout. C'est pas nouveau de faire jouer ça, c'est pas une découverte ou rien, mais ça me tentait d'entendre, c'est mal. Ça, bien fait, elle est bonne. Tu nous parlais d'une aventure que je te force en fait à discuter de en ondes, parce que je suis comme ça, c'est de même. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton appartement d'un endroit qu'on nommera pas? Je pense que personne, à part toi, qui veut entendre l'histoire. Tout le monde veut entendre l'histoire. Tout le monde en ondes va être comme non, on veut entendre sa vie. C'est Stéphanie Gagné, là, je veux dire, c'est pas une petite nouvelle, là. C'est pas comme Marie-Pierre, c'est l'histoire, elle, on s'en fout, mais les tiens, c'est des blagues. Ah, mais les gens te suivent. Attends, je retiens. Ouais, c'est ça. Je vais faire les attention. Les gens me suivent. Ouais. Ah, les gens te suivent, là, tel un compte Twitter. Là. Ah, c'est clair, j'ai même pas de compte Twitter. Ils te suivent, puis ils vont jamais reconnecter leur compte pour aller voir plus tard. C'est ça que les gens font, suivent sur Twitter et ne retournent pas. Donc, toi, tu nous racontes ton histoire? OK. L'autre jour, j'étais chez nous à peu près minuit, j'écoutais la TV. Puis la façon que le bloc est fait, c'est que il y a ma porte patio, puis après ça à côté, il y a les marches pour rentrer dans le bloc. Okay. Puis fait que moi j'étais comme pas trop loin là, il y a comme le mur où est-ce que ma télé, puis après ça c'est la porte du bloc. Puis là j'entends toc toc toc toc toc toc toc toc, quelqu'un qui essaie de rentrer dans le bloc. OK, c'était pas quelqu'un qui faisait des bruits avec sa bouche. Non. C'était pas moi qui faisais ça avec ma bouche. Les toc toc toc, c'était il cognait à la porte ou non, il tirait la porte? Il tirait la porte avec la poignée. OK, ça c'est plus un genre de clac clac clac. Ouais, clac clac clac en tout cas. Puis des fois, moi aussi, j'ai de la misère avec la poignée de porte. Ma clé, elle va pas super bien. Fait que là, je me suis dit, ah, il doit avoir de la misère. Mais là, après 15 minutes, j'étais prête à me concentrer sur mon émission. Fait que là, je me suis dit, m'en aller y ouvrir la foutue porte. Fait que là, je sors en pyjama dans le corridor. Je vais ouvrir la porte. Je dis, monsieur, vous vouliez rentrer? C'est un monsieur gilet des pingouins de Pittsburgh et des bobettes. C'est tout ce qu'il porte. Des bobettes? Oui, des petites bobettes noires. Mais pas des pingouins de Pittsburgh. Non, des petites bobettes noires, un t-shirt des pingouins de Pittsburgh. Il était vraiment pas attirant. Petit, gros, les yeux tout cross-eyed. Là, c'était vraiment pas... Ah, Stéphanie. Non, mais ça ajoute à l'horreur de mon histoire. D'accord. Mais je pense que le plus gros de l'horreur, c'est les bobettes. Vraiment. Là. Moi, c'est le fait que je sois fan des pingouins. Là, dit un gars typique. Fait que là, j'ai dit, vous voulez rentrer? Puis là, il dit... Fait que là, je la laisse rentrer. Je me suis dit, il a dû s'enfermer chez eux en allant, je sais pas, porter les poubelles. Fait que là, je la laisse rentrer. À la fouiller dans les poubelles. Ouais, genre... Fait que là, je retourne à mon émission. Puis là, 15 minutes plus tard, j'entends quelqu'un qui essaie de débarrer ma porte. Ta porte à toi. Puis là, moi, je pense pas sur le coup que c'est le monsieur. Là, je me dis, mais qu'est-ce que mon père vient faire ici? Parce que mon père, c'est le seul qui a les clés de chez nous, à part moi. Fait que là, je reste assis. Je me dis, il va rentrer, tu sais. Mais là, il réussissait pas à débarrer la porte. Fait que là, je me lève. Je vais voir dans le trou de la porte. Dans l'œil. Vision d'horreur. Et là, c'est le monsieur, il a plus de t-shirt. Il est juste en bobette devant la porte, puis il essaie de débarrer ma porte. Fait que là, moi, je faisais pas un bruit. Comment je qu'il a perdu son t-shirt entre l'entrée et ta porte? Ah, il y avait plein de choses à terre là, qui traînaient. Là. Il y avait comme on dirait qu'il habitait en face de ma porte. Il a perdu sa peau de sa porte. Fait que là, subtilement et sans faire aucun bruit, je prends la chaîne pour barrer la porte parce que là, il bougeait vraiment la porte assez raide. Là. J'étais sûre qu'elle allait défoncer la porte. J'avais tellement peur. Fait que là, je mettais tout mon poids contre la porte pour pas qu'il rentre. Puis là, je disais rien. Puis là, à un moment donné, il y a un autre monsieur dans le bloc qui sort de son appartement. Puis qui dit, monsieur, est-ce que vous êtes chez vous? Puis là, le monsieur, là, oui, je suis chez nous. Fait que là, moi, à l'autre bord de la porte, je dis, non, monsieur, vous êtes pas chez vous. Vous êtes chez nous, allez-vous-en. Puis là, oui, je suis chez nous. Je suis comme, non. Puis là, je le dirai pas, mais je dis mon adresse avec le numéro d'appartement. Je dis, c'est chez nous, ça, c'est pas chez vous. Il dit, oui, je suis chez nous. Puis là, l'autre monsieur, il a eu l'intelligence de prendre les clés du bizarre puis d'essayer ses clés de mal dans toutes les... Ah, dans ben toutes oui, les, oui. Pour trouver son numéro. Oui, c'est ça. Fait que là, il a trouvé son appartement, puis c'est l'appartement 3. Fait que là, le monsieur, il s'était trompé. Fait que là, j'ai attendu qu'il parte. Donc, le monsieur, non seulement il fait peur, mais il habite dans ton bloc. Oui! Oh non, c'est vrai! J'avais même pas pensé à ça. Fait qu'il habite encore là. C'est leur croisé. C'est vraiment... En tout cas, fait que c'est ça l'histoire. Fait que là, j'avais vraiment peur. J'avais le 911, là, puis là, j'écrivais sur Facebook en même temps. Fait que là, ma belle-mère puis ma cousine avaient la chienne, puis ils m'ont appelé pour savoir si j'étais correcte. Est-ce qu'il avait bu? Est-ce qu'il avait... Ah, c'est sûr qu'il avait bu. Il était vraiment pas en état normal, là. Il était à peine capable de sortir 2-3 mots. Je sais pas s'il va te regarder quand il va te croiser, ou s'il va avoir trop honte, ou s'il va être sous 24 heures sur 24, donc il s'en rappellera pas de toute façon. Puis il va continuer à essayer de rentrer chez nous. Probable. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui barrent pas la porte de leur maison ou de leur auto. Ouais. Parce que tu dis, ah, oh, il va rien arriver. C'est parce que moi, là, admettons que j'aurais été déjà couché, là, puis que j'aurais laissé la porte débarrée, il serait rentré, puis il serait venu se coucher dans mon lit en pensant que c'est le sien. C'est très épeurant. Fait que je suis contente d'être paranoïaque et de toujours barrer la porte, même si je suis devant ma porte. Ben oui. Bien d'accord avec toi. Donc, barrez vos portes. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai fait raconter ton histoire, Stéphanie. C'était pas juste pour la valeur divertissement. C'était pas aussi. Et si à prendre une leçon, ça. C'était pour ça, ça. Ouais, c'est une très bonne leçon. Ouais. Merci, Steph. Mais de rien. Est-ce qu'on te retrouve éventuellement une semaine prochaine, un mois prochain? Je vais savoir demain si je peux la semaine prochaine, mais dans deux semaines, je pourrai pas, par contre. Mais tu vas être là de façon récurrente, disons. De temps en temps. C'est ça. Mais pas régulière. Non. D'accord. Malheureusement. Voilà, donc passe une belle journée. Est-ce que tu t'en vas tout de suite? Tu restes avec nous un peu? Quelle heure, là? Je peux rester encore un peu, là. Oui. Presque l'heure de la fin de l'heure numéro 2. Bon, je mettrai pas ma main dans ma sacoche d'un coup que je me fasse un trou dans le dos encore. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Ta bobine de fil avec une aiguille, tu peux peut-être mettre un tape dessus ou une petite tomate pour planter les aiguilles. J'ai pas ça, moi, des tomates pour planter des aiguilles. Pas tant safe, ça. Des tomates dans un sac à... Tu vois, j'aime bien dangereusement avec mon aiguille. C'est peut-être une arme contre un futur attaquant dans son appartement. Aïe, mon aiguille! Ouais, c'est sûr. Bon. Donc, nous, on va d'ailleurs terminer cette heure ici, Marie-Pierre. On va se retrouver tantôt avec une troisième heure. Qu'est-ce qui se passe dans la troisième heure? C'est pas mal nous autres. Hein? Oui, dans la troisième heure, je vais vous parler d'une sortie dans Lanaudière. À Rawdon? Entre autres. Rawdon? À Rawdon. Rawdon. Rawdon. Faut prononcer ça Rawdon. En tout cas, nous, on le prononce comme ça. Ah oui? Ah, c'est de là que tu viens de là? Non, proche. Ah, OK. On va en savoir plus à ton sujet aussi, alors. Merci. C'est la troisième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marc-Pierre Lafourche-Bourret. Oui, et Stéphanie Gagné toujours avec nous. Oui. Oui, est-ce que t'aimes être sur le beau bateau SS requis? Oui, c'est sûr. J'ennuie un peu. Oui, ben, c'est ça. Ça faisait quand même longtemps, là. Un mois environ. Oui, mais... Oui. Tu n'avais vu que la construction du bateau et les plans et l'endroit où il allait être situé? C'est tout. Évidemment, sur notre droite, ici, on voit les paysages et les montagnes. D'une plage, il y a des montagnes. Vite de même. Parce qu'il y a des montagnes. Ben là, il ne faut pas révéler où est-ce qu'on est. Ah, c'est ça, OK, oui. Voilà. Ben, c'est parce que sinon, les voisins vont entrer en pensant qu'ils sont dans l'appartement, dans notre chambre. Ouais. C'est ça, l'histoire. Ouais. J'aime ça. Je trouve qu'on est bien, moi. On est bien. Ça, voilà. Avec le petit bruit des vagues, là. Marie-Pierre, ça lui donne le mal de mer. Faut pas trop en parler, par contre. Oh non, aujourd'hui, ça va. Pour rester la nuit. Tu l'as moins entendu que d'habitude, donc... Oui. On va comme ressortir sur le beau petit devant de notre bateau une fois par heure. C'est bon. Hey, Mathieu, oui? T'as pas une petite surprise? Une surprise comme dans un CD des Beastie Boys à donner? Oui. OK, ben, c'est ça, la surprise, je l'ai dans mes mains. Juste là, regarde, c'est un nouvel album des Beastie Boys, d'accord, qui s'appelle Hot Sauce. Hot sauce? C'est pas hot sauce? C'est pas moi qui fais la pub, c'est Danny, d'accord? C'est pas moi. Hot Sauce Comedy Part 2, qu'on vous donne en exclusivité ici, mettons, à Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou. Je sais pas qui d'autre fait tirer les CD des Beastie Boys, mais bon. La première personne, Marie-Pierre, qu'en dis-tu de faire une expérience? Oui, on va tenter quelque chose. Comme le téléphone est rendu quelque chose de peu utilisé de nos jours, on va tenter de donner le CD à la première personne qui nous écrit un message sur la page d'accueil Assemblage Requis sur Facebook. Donc, tout ce que vous ça avez à faire, en plus. Tapez Assemblage Requis. Et là, littéralement, le premier résultat quand vous tapez Assemblage Requis, c'est nous. Avec, en fait, une image avec un bateau, oui. Un ciel bleu, donc... C'est joli, hein? Oui, c'est le SS Requis, donc la première personne qui va venir nous écrire un petit message sur le wall d'Assemblage Requis sur Facebook gagnera le CD des Beastie Boys. Et on surveille, donc ne soyez pas surpris si vous gagnez, si vous y allez tout de suite. Hot Sauce Comedy Part 2 des Beastie Boys, on écoute la pièce Non-Stop Disco Power Pack. Appelez-nous maintenant. Non, Essayez pas d'appeler, on vous donne même pas le numéro. Vous pouvez nous appeler quand même si vous voulez jaser avec nous. On va les prendre quand même, vos appels, mais pas pour le concours, bon. C'est clair, ça. Well, bonafide, qualified with the story to tell. Well, how you feeling, Mikey? Well, I feel all good. All day is how we play in the neighborhood. Well, how you feeling, MCA? Well, I feel right. I speak with words on the track, cause the track sounds tight. Well, if you're feeling good and you're feeling right, somebody step up and grab the mic. Hello, everybody, and how you been? It's that rock. Grabbing on the microphone again. I got grace, class, style, finesse, and debonair. Myrtleize, motherfuckers, cause I just don't care. The MC Whisperer, kinda like a trainer. I take sucker rappers, I put them through a strainer. Like macaroni, cause this shit sound cheesy. Watch how it's done, boy, it looks easy. Non-stop going off, kingpin, microphone boss. Do my own thing, you can't afford the call. To my rhymes, die, to with first time, cause I'm live and direct. And I'm wiggin' and rock. And put some back on the rolls, I told control. I flow like the water, out your toilet bowl too. Your style and cheap, boy, just like the Dutch. You know you're not smoking on the microphone much. There's a certain special talent that I never like. Bless the mic. Now this is the way we run it down. We're getting high on the funky sound. This is the way we get it on. These boys in the house to the break of dawn. See, I mix my style up like a cement mixer. Smooth a fixer like a rhyme elixir. Yo, yo, tell me, big mics, mic louder. Don't make me sound cheap like a box of douche powder. I'll max and relax, champagne, no pito. Don't know bendito. Shoot a Michel, Perignon. Me and Gord in the chateau, we got it going on. Quincy's in the hot tub like a 73. Looking over his shoulder and he's looking at me. I'm all white in the face, towel on my waist. What's up with that watch inside the glass case? I go to make my move, see out the place. Undetected, not leaving a trace. Party's done, microphone's wrecked. Wine's been drunk and head's been checked. I see one last refitterol and leave my play. Pass a microphone to MCA. Stop on the top and you clock and we rock. Never faking, never sticking, we be making hip hop. Come on everybody, get down. Yeah, yeah. Lands a spot check, get the dead count down. Cause I'ma break it down for you how we run the town. Pound for pound, keep the bass lines round. See you watch it, clock in, jacking my sound. But we feel a bit glad I grew up in hip hop. Still got mad love for a record called Beat Bop. And man, I'll spit it on my wrong man. Shout out to the African band and to the X to the the one MC who you can't deny. I listen to the records and they inspire. Sit down to write and the pen brings fire. Construct a rhyme with specific intent. Flip up from the brain cells right to the den. And end up with the boom down. Yeah, I'm holding the mic. Words flow are so cold. Turn water to ice. Go through the rise. Saturate the tape. You put me in a mix. Slice it up with a plate. And then they press it on wax. Sell it in the store. The DJ spin them kicking out on the dance floor. To shake your ear, drum brain cells get lit. Then you hear what the cool that rock. Get it on, we wanna rock the house until the break of dawn. A mic D. Get it on, we wanna rock the house until the break of dawn. An MCA. Get it on, we wanna rock the house until the break of dawn. BT boys in the house, don't stop. Beastie Boys et la pièce Non-Stop Disco Power Pack sur l'album Hot Sauce Comedy Part 2. Alors, on va vous laisser encore plus de chances de gagner d'autres CD parce qu'on a plein des CD de Beastie Boys à vous donner. Si vous allez nous contacter sur Facebook en devenant ami avec nous, en laissant un commentaire sur la page Facebook, pendant les rediffusions aussi, parce que cet été, faut dire, on est diffusé 3 fois et avec une émission de 4 heures, ça fait comme approximativement 12 heures de possibilité d'écoute, hein, plus ou moins. Donc, il y a plusieurs chances et puis on veut pas vous délaisser. Vous faire perdre votre chance. Donc, allez sur Assemblage Requis sur Facebook. Voilà, laissez un commentaire que vous nous écoutez le jeudi, le samedi ou le lundi. C'est clair? Bon. Oui, on a décidé de rester sur le devant du bateau où on entend l'extérieur comme ça parce que des fois, quand il fait soleil sur le bateau, je sais pas pour vous à la maison, dépendant où vous nous écoutez, ça se peut qu'il fasse peut-être pas si beau que ça, dépendant. Mais nous, on aime ça prendre l'air un petit peu des fois, juste un petit peu. Stéphanie? Oui. qui est toujours avec nous, Stéphanie Gagné et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Moi, c'est Mathieu Plante, évidemment. Est-ce que tu es dans le coin pour les mardis de la relève? Est-ce que tu es allé? Ben oui, j'y vais toutes les semaines. Je pense que j'ai manqué deux soirées, deux quarts de finale. Et qui, sais-tu qui sont les gagnants les plus récents qui vont s'affronter en finale? La finale, c'est la semaine prochaine. Et il va y avoir Audionaut qui ont des très bonnes chances de partir avec le trophée parce que ça fait 3 ou 4 ans, si je me trompe pas, qui participent. Et les deux dernières années se sont rendus en finale et ont été en 3e place. Donc, ils ont quand même des bonnes chances de gagner cette année. À part de ça, il y a Open Fields, un groupe que je connaissais pas. J'avais pas entendu au quart de finale. J'étais pas là, mais je les ai vus en demi-finale. Et c'est pas vraiment mon genre, un peu Pearl Jam des fois, mais c'est pas mon genre de musique, mais j'ai vraiment adoré. Là, j'avais la mâchoire à terre. C'était vraiment super bon. C'est très, très professionnel. J'en reviens pas qu'il n'y ait pas déjà une entente quelconque, un CD, toute l'équipe. C'est vraiment super professionnel comme groupe. On était vraiment, tous les juges, on était à terre. C'est vraiment super bon. C'est Open Fields. Open Fields, okay. Oui. Et le troisième groupe que je ne serai pas juge la semaine prochaine, fait que je peux l'avouer tout de suite, moi, c'est mon chouchou, Two Green Cats. Oui, on entend beaucoup sûrement parler. Mais en tout cas, mais c'est un groupe qui est pas mal rodé aussi. Là. Ils ont fait beaucoup de spectacles. Là. C'est pas un groupe qui a dit « Ah, il y a un concours qui s'en vient, on va écrire des nouvelles chansons ou on va commencer à pratiquer ensemble. » Non, non, ils pratiquent souvent ensemble. C'est vraiment un groupe très bien rodé qui ont fait beaucoup de spectacles. Un excellent groupe, comme un de mes amis juges a dit l'autre jour en quart de finale, c'est un groupe qui donne envie de manger du steak. Ah! Ouais. Ah. C'est comme Black Keys. Du rock, là. Non. C'est du vrai, là. Du saignant, là. Mais c'est drôle. J'aime beaucoup les Black Keys, mais ça me donne vraiment pas envie de manger de steak. Je suis pas grosse mangeuse de steak, mais je sais pas, ça fait homme comme band. C'est ben très ouais. Manger J'aime du steak, ça. C'est très viril, très masculin. C'est vrai? Ouais. Two Green Cats, là, c'est vraiment, c'est super bon. Si vous connaissez pas ça, allez écouter ça, c'est mon goal. Est-ce que... Quand même pas, bon. La minute. Là. Est-ce que t'as envie qu'on aille entendre une pièce? Ben, pourquoi pas. Est-ce que t'en as une en particulier? Je connais pas les titres de chansons, vu qu'ils nomment pas nécessairement pendant le spectacle. On va jouer n'importe laquelle. Okay, n'importe laquelle. On va écouter They Want Me To Pay. Ça te va, ça? Ben They oui. Want Me To Pay. To Pay. To Pay. J'ai vraiment c'est dit... Quoi, les autres titres? C'est quoi les autres titres? Rapidement, ben, les autres ont l'air d'être des extraits, donc de toute façon... ton choix n'était pas un choix. J'essayais juste de te rendre vraiment utile. donc, They Want Me To Pay, Two Green Cats, 89 FM, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. Hein? Hein? Des petits chats! Hein? On mangera pas des chats, par contre. C'est ça, là. C'est vraiment du steak à fond. Du steak saignant. Ah, steak. Ça fait un peu l'ouest. Oui. La sauce, c'est l'ouest, là. Ouais. Ça, c'est bien. Un peu moins qu'un steak. Un peu moins, get out and higher for tomorrow. They want me to pay the green, the two green cats. C'est bon, hein? Oui, c'est très, très bon. Ça sonne pas partout comme un wannabe band, là. Tu sais, un band qui vient de commencer, là. Mm-hmm. C'est vraiment bon. Ouais, en effet. Maudit MySpace. Donc, faut toujours le mentionner quand MySpace fait quelque chose que t'aimes pas. Faut le dire à la radio. C'est comme ça, c'est le même dans toutes les émissions de C'est Fou. C'est toujours la vie de croisière d'assemblage requis. Ça, c'est Stéphanie Gagné qui vient nous présenter ça dans le cadre de sa présence dans l'émission, entre autres pour les mardis de relève. Mettons. Tout à l'heure, Marie-Pierre, on va continuer avec notre palmarès, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On a encore un petit peu de temps pour présenter chacun une pièce qu'on a envie d'entendre. Moi, j'aurais très envie d'entendre PJ Harvey. Oh, PJ Harvey! Oui. Hey, c'est vrai que ça a l'air bon, ça. On va aller écouter ça à l'instant. C'est quoi le nom de la pièce? Est-ce que tu t'en rappelles? Let England Shake, mettons? Oui, Let England Shake. D'accord. La première du CD. Ça ouvre très bien un CD. Ah! Et après ça, on va entendre une pièce d'OK Go. Ah! Louisiana cool. Land. OK Go. OK Go. Ça n'a jamais été fait, ça. PJ Harvey, Let England Shake. Assez fou, 89.1 FM. Again. OK Go et Louisiana Land dans la vie de croisière d'assemblage requis. Maintenant, les filles, encore une fois, c'est Stéphanie Gagné et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Moi, c'est Mathieu Plante. Oui. Oui. Tout on est des filles. Oui. Vous êtes des filles, moi un gars. Dernière nouvelle. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Je vais faire quelque chose que je ne vous ai pas averti que j'allais faire à l'avance. Un petit peu comme le veut la tradition d'un Mathieu Plante à la radio. C'est souvent genre, on s'en va un petit peu n'importe comment, mais c'est toujours très, très, très, très bon. Voici, il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux. Le concept, c'est de le faire deux fois. Drop ça, drop ça. Deux fois, deux fois. Drop ça, drop ça. Deux fois, deux fois. Drop ça, drop ça. Deux fois. Drop ça, deux fois. Drop ça. Bon, donc là, la situation, je l'explique un petit peu. Stéphanie est toute dedans parce qu'elle connaît ça. Marie-Pierre oui, j'aime connaît... l'intro, elle est tellement cool. Marie-Pierre connaît pas encore cette intro-là. J'aime l'intro, mais je suis intriguée maintenant. Ah, okay. Deux fois. Ben, deux fois, okay. Je vais vous expliquer parce que j'avoue que ça prend des étapes, ça prend presque un guide ou un manuel, Urtubise, pour expliquer la situation. C'est deux chansons, OK? Deux chansons, jusque là, ça va. Oui. Par un seul et même artiste et ou, ben surtout ou, groupe. De musique, de chansons. Deux chansons. Two Chances. OK. Two Chances. Du même groupe du ou même... et ou artiste. Et, ben surtout ou, mais ça pourrait être et. Parce que des fois, ça pourrait être un les deux, mais c'est rarement les deux. C'est rare. Donc, Two Chances. Est-ce que ça pourrait être genre deux groupes reliés? Ça pourrait être ça, mettons Diamond Rings puis Matters, mettons. Sûrement, je n'ai aucune idée, mais sûrement, oui, probablement. Mais c'est le groupe de John Regan. Ah ouais? Dans Diamond Rings. Ah, Ron Regan. Juste savoir si ça marche dans ton deux fois. Ça marcherait, j'imagine, sûrement. Okay. Si je savais de quoi tu parlais, je te dirais ou oui. Ou est-ce que ça pourrait être encore deux fois la même chanson par deux groupes différents? Ah! Oh! Oh! Hey, variant! Ouais. Ou, ça pourrait être deux fois la même chanson, comme mettons, t'es à part. Peut-être à repart, mettons. Ça, j'aime un peu moins. Là, ce serait trois fois, par exemple. Trois fois. Non, ça se dit moins. Ouais, ça se dit moins bien. C'est pas aussi beau. Puis la chanson thème dit deux fois. Donc, ça fonctionnerait plus. Donc. Ça fonctionnerait. Fait que là, est-ce que tout le monde a compris? Two Chances? Oui. D'accord. Fait qu'on va écouter Malajube deux fois. Une fois pour commencer avec la pièce Cro-Magnon. D'accord? Et puis après ça, une autre pièce qu'on déterminera ensemble en groupe plus tard. C'est bon? Chanson number one. Blizzard de Malajub sur l'album La Caverne au 89 FM, cet assemblage requis. Alors, le bloc, il était deux fois. Hein, le, en l'écoutant, vous avez dû comprendre le concept, là, malgré mes explications boboches. Two Chances, deux chansons. Deux fois. Un seul et même artiste et ou groupe. Ça va faire un chemin, ça, cette idée-là. Ça va se rendre au sommet. Ça sera vraiment pas long. Je crois bien, on a fait plein de brainstorming, là, puis il y a plein de possibilités. C'est sans fin, les possibilités sont sans fin avec ce concept-là. Vous allez voir, le futur est beau pour nous autres en avant. Bon, en avant avec le bateau. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on disait qu'on faisait? Est-ce qu'on prend, on prend une petite pause avant de parler de tes trucs? Qu'est-ce que t'en penses? De mes trucs? Ouais, c'est oui. Ça. C'est pas tes trucs. Avertis-nous d'avance là, pour pas que les gens se trouvent surpris non plus. Attention, là. Tantôt je vais vous parler d'une sortie plein air à Radon. À Radon. Oui, à Radon. À Radon? OK. Ouais. Bon, à Radon, restez là. Moi, je vous quitte. T'en vas? Oui. Mais là, voyons donc. Ben oui, ça fait trois fois, je l'ai dit. Je dis là, après cette tune-là, je m'en vais. OK, après cette tune-là, là, je m'en vais. Mais comment tu peux t'en aller alors qu'on est sur un bateau en plein milieu de l'océan? Ben, je sais nager. Moi, puis on a le petit bateau de sauvetage. Là. Ah, c'est vrai. Voilà, on en aura plus. Non, c'est pas grave. On va le ramener en revenant. On ira chercher un à Radon. À Radon. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Oui, vous êtes toujours à l'assemblage requis. C'est la vie de croisière d'assemblage requis. Et là, on ressort comme ça sur le devant du bateau juste pour prendre un petit peu de soleil parce que c'est ça, enfermé dans le bateau pendant 4 heures. On va devenir très pâle. Hein? Si on ne l'était pas déjà avant. C'est ça. Hein? Comme moi. Ouais, ben moi aussi. Hein? C'est un petit peu en ce cas. Bref, oui, il nous reste encore 1h30 ensemble. Et puis, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a une deuxième chronique, c'est un fait qui s'en vient. Oui. C'est bon. Quelques petites découvertes musicales. Oui, effectivement. Aussi. Et une petite chronique sur les festivals qui s'en viennent ici. Oh! Un festival de poésie que j'ai entendu dire. Hein? Oui. Mais avant ça, on parle de Radon. De Radon. Est-ce que c'est Radon? Juste Radon. Faut pas dire Radon ou Radon. Il y a plein de prononciations, mais... C'est comme le rock ou le à rock. À Joliette, on dit Radon. Okay. À peu près, là. Il y a des gens qui disent Joliette. Ouais, Joliette. Okay, Joliette. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe de bon à Radon? Oui. En fait, je vous propose quelque chose à Radon parce que, bon, je sais effectivement qu'il y a un arbre en arbre à Shawinigan. Mm-hmm. Mais comme c'est l'été, des fois, on a le goût de sortir un petit peu plus loin qu'à côté de Trois-Rivières ou, bon, si on habite Shawinigan, d'être seulement à Shawinigan. Donc, je vous propose une version arbre en arbre, mais à Radon, et c'est Arbraska. Donc, Arbraska. Oui, un peu le même concept, des structures accrochées dans les arbres, et bon, on en a pour un 3 heures à faire... c'est de la semi-escalade. Bon, c'est tu te promènes dans des structures à travers les arbres, et c'est beaucoup de plaisir. Donc, je vais vous parler brièvement de... Bon, à Radon, il y a un concept encore... c'est un peu différent de ce que j'ai cru comprendre. OK. Bon, effectivement, il y a des parcours aériens. Donc, avec des ponts, des tyroliennes, des cordages, des échelles, etc. Donc, normalement, comme dans n'importe quel parc avec des arbres... Bon, un peu comme arbre en arbre, ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre, il y a un parcours qui s'appelle la Rafale. Et c'est un parcours pour les experts. Bon, les experts, en fait, ça peut être n'importe qui. Moi, toi, qui décide d'y aller. Et... moi et expert dans la même phrase, je doute beaucoup. Non, mais par exemple, n'importe qui pourrait y aller et faire... OK, j'ai fait le débutant pour commencer, j'ai fait l'intermédiaire et j'ai fait le difficile, mais j'ai envie de plus d'émotions. Ouf. Donc, il y a la rafale, que c'est encore plus haut. Et bon, c'est un long parcours. Les enfants peuvent pas y aller seuls. Ils sont obligés d'être accompagnés d'un adulte. Donc, on voit un peu à quoi ça peut s'attendre. Et je connais des gens qui l'ont déjà fait. J'ai déjà fait aussi. Et c'est quelque chose. Quand t'es en haut d'un arbre et que tu t'as à faire une longue tyrolienne, là, t'as peur, mais t'as vraiment envie de le faire. Ah ouais. Donc, ça joue entre les deux. Mais le parcours rafale, c'est vraiment, vraiment le fun. Mais également, il y a un parcours de nuit. Donc, si vous êtes un groupe d'à peu près 8 personnes et que vous dites « on aimerait ça aller essayer cette expérience-là, mais de nuit », ça se fait également. Donc, il faut un minimum de 8 personnes. C'est la condition, okay. Entre autres. Il y a aussi un parcours qui s'appelle Via Ferrata. C'est de l'escalade extérieure de roche en roche. Donc, un peu concept escalade. Ça, je ne l'ai pas vu. Donc, mais ça a l'air super intéressant. C'est quatre parois rocheuses au sommet d'un mont. Donc, c'est, supposément que quand tu es en haut du mont, tu as une vue imprenable sur le paysage. Oui, je ne la prendrais pas nécessairement. Ouais, imprenable, en effet. Et, bon, il y a ça. Et il y a aussi une activité qui s'appelle le rallye GPS. Bon, tu as une carte et tu es en équipe. Et le but, c'est d'accumuler des points en trouvant, j'imagine, des objets ou en trouvant des endroits précis. C'est un peu comme le geocaching là, qu'on entend souvent parler en anglais. J'imagine que ça doit être semblable. Ouais. Donc, c'est ce que l'Arbrasca de Rodden offre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, tu es à Trois-Rivières. Tu dis, OK, j'aimerais ça à la Rodden, mais... À Rodden, pour un parcours de 3 heures, ça fait loin. Ouais. Mais par contre, il y a des forfaits qui s'offrent. Donc, entre autres, des forfaits hébergement. Donc, si vous dites, on veut aller à Rodden, mais on veut dormir là, t'sais, on veut passer une bonne journée, on veut pas remonter tout de suite à Trois-Rivières, il y a des hébergements dans des auberges. Ça passe, le prix, c'est entre 59 $ et 139 $ par personne. Okay. Donc, par exemple, si on constate que c'est une trentaine de dollars aller à Arbrasca, ça revient peut-être à entre 70 $ pour le repas et la nuit, quelque chose comme ça, ce qui est pas si mal pour une bonne journée. Et sinon, il y a le forfait détente et aventure. Ouh! Forfait détente et aventure. Oh. C'est à la source. Donc, c'est les bains nordiques, ce qui est assez populaire présentement. C'est un bain, des bains nordiques avec, froid. Bon, tu passes du chaud, froid à la détente, du chaud, froid, détente. Donc, il y a un forfait qui s'offre, c'est 65 $ avant taxe par personne pour 3 heures à Arbrasca et j'imagine c'est l'après-midi à la source. Donc, c'est intéressant ce forfait-là. Mm-hmm. Et si jamais vous êtes plus une famille et que vous vous dites, bon, on veut y aller, mais bon, on aimerait ça faire autre chose que du spa parce qu'avec des enfants, faire du spa, bon, plus ou moins. Il y a la plage Rodden, c'est une plage municipale, mais c'est une très belle plage et propre. C'est tout près. C'est dans le centre-ville de Rodden, c'est au centre de tout, là, donc c'est pas très difficile à trouver. Ouais, la rue principale. Et pour les tarifs, un parcours de 3 heures, un adulte, c'est 37 $ taxes incluses. Enfant, entre 25 et 27 $. Et si vous êtes en famille, ça passe entre 22 et 33 $. Donc, ça diminue. Et si vous êtes un groupe de plusieurs personnes, ben, c'est encore plus... ça tourne autour de 31 $ pour un adulte, pour un 3 heures. Donc, et très important, réserver avant d'y aller. Parce qu'ils prennent pas les personnes si vous vous dites « Ah ouais, on y va aujourd'hui, on n'avertit personne, on arrive là-bas. » Ça se peut qu'il n'y ait pas de place parce que, bon, l'été, il y a des camps de jour, donc ils ont des places limitées. Mm-hmm. Donc, si vous voulez aller à Arbrasca Rodden, réservez. Arbrasca Rodden. Oui, vous pouvez aller au arbrasca.com pour plus de renseignements. Parfait, on va mettre les liens sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook. Et est-ce que j'irai? C'est la phrase, faut que je la refasse. Attends. Est-ce que je vais y aller? On verra. Ouf. C'est à retravailler. Ouais. C'est pas très bon. C'est, les gens disent que c'est mauvais. Ce ne sont que des candidats. Marche pas plus. OK, donc on retourne dans notre palmarès, c'est fou. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Si ça peut vous faire une belle sortie d'été, ça vaut la peine. Voilà. Alors, on était rendu, pour ceux qui suivent depuis le début de l'émission, ça fait un petit bout qu'on n'a pas touché à nos palmarès. On a pris une petite pause de ça. On était rendu tantôt à la position numéro 10 qu'on a entendu. C'était Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day. On est rendu à la 9e position. C'est Black Mountain avec Radiant Hearts. Et qu'est-ce qui va suivre ensuite? C'est We Are Enfant Terrible. Make You Laugh. J'aime ça. Moi, je prononce Enfant Terrible comme un genre d'anglophone qui parlerait mal français. T'sais. OK. Ça, je suis de même. Pas drôle. T'sais. Poche. Il fait des jeux de mots douteux. Mais propre, quand même propre. Au moins. Quand même propre. Ouais. Children play softly around the explosions, tearing out shrapnel wrapped up in clothing. And I'm left waiting for the doctor to sell 10,100s, it's all just a blur. Tear at the sheets, but there's no one alive. The static rings true and your head can't survive. Alone in your castle on the 54th floor, can't you hear me calling your name? she's so close to my heart. Oh, heaven's a place where you're no longer waiting for someone to say that this day turned to poison. Roses won't make her feel better tonight. Now look what you've done to the sky. Prancing like queens, madmen in corsets. Paul is waiting for someone to get bent. Chasing the arrows, they swoon while they fly. Can't you hear me calling your name? Yet the hardest truth to believe that all is worth and all that is gained could never replace the most beautiful things that brought you so close to my heart. People wandering the same demo planes, waiting for wisdom to shout out their names, but never exchanging a look or a thrill that would shoot you straight dead in the heart. Senses of order, motherly, waiting for our children to comfort. Let the sky be littered with radiant hearts, waiting to guide you back home. Numéro 8. venez tout juste d'entendre Make You Laugh de We Are Enfants Terribles. Oui, avant c'était Black Mountain avec Radiant Heart, ça monte de deux places, c'est Mountain juste. Donc les numéros 9 et 8 du palmarès. Oui, on va être rendu à la 7e position tantôt, Timber Timber avec Blackwater, mais avant ça, le Marie-Pierre, là. Oui. Là. Okay, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout le temps de quoi? Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Ben oui, soit il fait trop frais, soit il fait trop chaud, soit il mouille, ou des affaires de même, la météo, blablabla, tout le monde parle juste de météo. Moi, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais en parler peut-être tantôt de météo à la fin de ma chronique, mais c'est pas ça, non. Là, moi, je veux parler, non, OK? Là, j'étais à l'épicerie, premièrement. OK. C'est souvent là que les choses que je me rends compte dans la vie se passent, parce que c'est tellement plat de faire l'épicerie que ma tête se met à penser à plein d'affaires. Là, il y a une publicité qui joue à la radio interne de l'épicerie qui parle, des bouteilles, OK, qui sont en vente, de l'alcool ou de la liqueur, n'importe quoi. Et il dit, genre, une bouteille de 750 ml, t'sais. Comme dans millilitres, là. Peux-tu me dire millilitres à la place de dire ml? Pourquoi tu me dis ml? C'est comme, mettons, je serais sur la route, OK? Puis je dirais que je roule à 100 km barbé cash, tu sais. Ça n'a aucun sens. Les abréviations sont là pour alléger un mot que les gens ont de la difficulté à dire, peut-être, t'sais, mettons. Millilitres, pas dur à dire, dis-moi le complet, t'sais. Non? Pas d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. Un autre exemple, une autre mesure qu'on pourrait avoir dans la vie. D'autres mesures que les kilomètres et des millilitres, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a pas d'autres, hein? C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. C'est tout. Les seuls qu'on utilise vraiment. Les autres, c'est des abréviations qu'on va utiliser, tu sais, mettons. Sinon, il y a les mille. Les mille, mettons. Mais tu sais, tu ne diras pas c'est quoi l'abréviation pour un mille, on ne sait même pas grâce à ça. Hein? Mille à l'heure, mettons, MPH, t'sais. Mettons. Fait que tu dis pas ça, tu dis juste pas ça, tu fais pas ça, parce que c'est un manque de respect envers le mot complet qui est millilitre. C'est tout. Ouais, t'es plate ça, là, finalement. Pas grand chose à dire de plus que ça, ça. Mais ouais. Non, ça fait du bien, Charlotte, des fois. Non, ça fait du bien. C'est pas toujours tout à fait pertinent, mais c'est toujours ton utile à faire. Et moi, ça me rend heureux. Et vous savez que si je suis heureux, tu es heureuse, tout le monde est heureux, le bateau roule bien. Parce que si je suis pas heureux, moi, le bateau, ben, t'as l'arrêté sec, là. Puis si je mets le frein après ça, c'est de prendre quelques heures avant qu'il ralentisse, j'imagine, parce que vu que c'est un bateau, ça avance très très lentement. Dans ce cas-là, ça le fait couler. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bonne idée. D'accord. L'année prochaine, on fera ça sur un train. Ça va être plus facile, t'sais. Non? La déraille. C'est un peu déprimant de parler de ça. Je pense qu'on devrait pas parler de ça. Ça va faire. Donc, on va retourner à notre palmarès. Oh non, j'avais dit que je parlais de météo. Parce qu'une autre affaire qui se passe, la météo. Okay. J'ai trouvé un site qui s'appelle thefuckingweather.com. Okay. Okay. C'est un nom de site web, donc j'ai le droit de mentionner le mot fuck à la radio. Tu inscris ton code postal ou ton zip code aux États-Unis. Mettons, bon, là, j'ai écrit G8Y4P4, c'est mon code postal personnel à moi, si vous voulez chercher où je suis. Et là, ça me dit qu'il fait 14 degrés Celsius et que la météo, it's fucking alright. La météo est juste correcte. Hein. Je peux aussi appuyer sur le bouton Random Fucking Location, OK? Et ça va me dire, mettons, ça va me trouver une autre place, je sais pas. Il fait 20 degrés à Row, je crois que c'est Massachusetts. 20 degrés, it's fucking nice. Ah! Tu vois, j'apprends des choses. À Rowan, en Iowa, il fait 22 degrés et c'est aussi fucking nice. Est-ce que c'est juste en Amérique du Nord ou on peut aller voir de l'autre côté? J'en ai aucune espèce d'idée. Parce que j'avais pas de code de d'autres endroits. Donc parce que ça aurait peut-être été le fun de voir qu'est-ce qu'il dirait si il faisait moins 30. S'il faisait moins 30. Ouais. Ah, j'avoue. Une place qui fait vraiment froid en ce moment, mettons, je sais pas. À Yellowknife? On entend souvent ça, Yellowknife? Il fait pas si froid que ben ça. En fait, si on se dit... Ben, l'Australie sont au contraire de nous, donc ouais. Ils devraient approcher le vent. Ah, bonne affaire. Une ville en Australie? Ah, tiens, Gold Coast en Australie, non, il fait 12 degrés. Ah, OK. Ils sont peut-être juste l'automne. C'est ça. En tout cas, mais mettons que sûrement qu'il doit dire « It's fucking cold », quelque chose du genre. OK. C'est thefuckingweather.com. Et puis, vous pouvez aussi avoir votre bulletin météo du moment en bas de l'écran. Si vous regardez, il y a un petit calendrier qui vous dit présentement et puis les prochains jours, qu'est-ce qu'il va y avoir, dont la pluie. Comme là, ça prévoit... nous, on est jeudi, en direct le 19 mai. Ça prévoit de la pluie ce soir, des éclairs vendredi, des nuages samedi et surtout ennuagé dimanche. Donc, c'est un site complet de météo. Très, très laid, très, très basique et très, très vulgaire. J'adore ça, c'est thefuckingweather.com. Bon, ben voilà. C'est tout. Donc, on peut passer au top 20 anglophones. Je vais me récupérer de cette mauvaise intervention. Alors, on est rendu à la position numéro 7 du côté anglophone. Comme toujours, c'est ça qu'on fait cette semaine. C'est Timber Timber avec Blackwater. C'est stable. Et après ça, il va y avoir... Ouh, hein? Ah, j'avais pas vu. Vas-y, vas-y. J.J. Ibsen et The Paper Crown avec oui. Basement Pleasure. Dooms. Mais pour l'instant, Timber Timber. All I need is some sunshine. All I need. All I need is some sunshine. All I need. The siren call beyond the tree line. Some sunshine. Oh, I need. 6. Dogs and cats always fighting the same battle, more inclined to field my questions than to give my prayers an answer. It is unknown whether all these bells and whistles are the thorns in all the thistles in my side exposing bone. In a routine of sleepless nights, we fossilize. In basement pleasure domes, we get used to the black and white. J. Ibsen et The Paper Crown avec Basement Pleasure Domes, ça descend une place en sixième position. Et avant ça, à la position numéro 7, c'était Timber Timber avec Blackwater. On a le Blackwater, ben oui, ça fit bien dans notre thématique de croisière, ça, tu ne trouves pas? Oui. Ben oui. C'est la fin de la troisième heure, il nous en reste une quatrième, donc on a trois quarts d'émission de passé, les choses vont très très bien. Il nous reste plus de chroniqueurs, par contre, nous on a du matériel pour vous à vous donner là, généreusement, ça va être incroyable. Tu vas nous présenter un festival de poésie. Oui, entre autres. Entre autres. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire? Une petite découverte musicale avec un petit peu de Irony. Ben oui, mais on sait pas encore ce que c'est, on l'entend tantôt. Hein. Bon. Donc restez avec nous, quatrième heure d'Assemblage requis en croisière. C'était une auto-promotion, ça donnait envie aux gens de rester à l'écoute, ça, là. Hein, dit de même, avec un ton plat, de même. Hein? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, on est là et on boit nos petits pina colada, on déguste quelques petits. Qu'est-ce qu'on mange sur un bateau, mettons, là? Qu'est-ce qu'on mange sur un bateau? Je sais pas. Je sais pas, hein? Attends un peu, est-ce que je suis déjà allé sur un bateau? Attends, je suis sur un bateau, on va aller demander au gars du bar là, qu'est-ce qu'il y a à manger ici, puis on vous en parlera tantôt. Peut-être des petites biscottes, des petites bruschettes? Ouais, peut-être. Quelque chose. On est rendu à la position numéro 5 du palmarès anglophone, parce que je vous le rappelle, tout l'été, on va jouer le palmarès francophone une semaine et le palmarès anglophone l'autre semaine, et là, on est du côté anglophone. Donc, écoutons Tokyo Police Club et Boots of Danger, entre parenthèses, Wait Up. Et après ça, Marie-Pierre, tu vas nous parler de poésie. Oui. Parce que tu es une jeune... les liaisons sont dures à faire là-dedans. Tu es une jeune dame qui a de la classe. Bah, ou qui étudie en littérature. Ben, t'as de la classe aussi. Prends le compliment quand il y en a. Ah, OK. C'est pas drôle que ça, tu sais. Mais... non, il y en a plein des compliments. Voyons. I'm on your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. Never get nervous anymore. So wait up. You never get nervous anymore. What did you want me to say? Hey, what did you want me to do? What did you want me to say? Inside the lines, gotta catch me a paper car. You never know when to change your mind. Position numéro 5, c'était Boots of Danger de Tokyo Police Club. Oui, tantôt, on va entendre Ringo Death Star avec So High. Mais avant ça, on parle un petit peu de poésie parce que Marie-Pierre, il y a un festival de poésie qui s'en vient. Oui, exactement. En fait, c'est un festival de poésie qui va se dérouler à Montréal. Okay. Il y a probablement certains auditeurs qui sont déjà allés à Trois-Rivières au Festival international de poésie de Trois-Rivières. J'espère. Dans lequel, bon, il y a des poètes d'un peu partout dans le monde qui viennent faire des lectures. Cette fois-ci, bon, au printemps plutôt qu'à l'automne, c'est le 12e Festival de la poésie de Montréal. Avant, ça s'appelle... Ouais. Pardon. Avant, ça s'appelait le Marché de la poésie. Donc, cette année, ils ont changé le nom pour Festival de la poésie de Montréal. Ça va se dérouler du 24 au 29 mai 2011. Mm-hmm. C'est au... bon, si vous y allez en métro, c'est métro Jean Talon. Et l'endroit où... pardon, j'ai un petit problème avec... l'endroit les ordinateurs. Oui, avec l'ordinateur. Mais disons que du 24 au 29, c'est de mardi qui s'en vient. Mardi prochain, oui. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Ouais. Donc, c'est 125 poètes et créateurs d'ici. Donc, autant au niveau musical, ça peut être des artistes peintres, je sais pas, des sculpteurs, je suis pas allée encore. Donc, okay. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il va y avoir. Donc, c'est 125 poètes et créateurs. Il y a également des poètes d'un peu partout dans le monde. Et c'est des lectures, entre autres. Des lectures, ça va être des soirées avec des interviews, avec des poètes. Ça va être, entre autres, une des activités intéressantes, c'est le 40e anniversaire des Écrits des Forges. Et les Écrits des Forges, c'est une maison d'édition de poésie qui est établie à Trois-Rivières. Donc, ça a été créé par un professeur de l'UQTR dans Gatien-Lapointe il y a 40 ans. Tout simplement 40 ans, en 1971, et il va avoir le 40e anniversaire de ça, et en même temps, le 40e anniversaire de la Nuit de la poésie. Bon, probablement qu'il y a beaucoup des professeurs au cégep qui vous ont fait écouter la Nuit de la poésie. bon, c'était un gros rassemblement de poésie, la poésie du pays, etc. Donc, ça a été un gros événement en 1970, et c'est également le 40e anniversaire. Et pour ça, il va avoir un film réalisé par un... que je retrouve son nom. En tout cas, je ne retrouve pas son nom. J'ai perdu son nom. Bon, c'est un film qui a été fait sur cet événement-là. Mm-hmm. Donc, c'est tout plein d'activités entourant la poésie. Et c'est pour les curieux, parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous n'avez jamais vu de lecture de poésie, parce que, bon, des fois, les gens se disent « Ouais, moi, la poésie, j'aime pas ça. Je lis, je comprends rien. » Mais bon, souvent, l'entendre, ça aide beaucoup à apprivoiser la bête. Mais non, sérieusement, c'est très intéressant d'aller voir des lectures parce que c'est l'auteur qui livre ses textes. Et c'est parfois, bon, c'est touché, ça peut être touchant parce c'est que... ça, bon, l'émotion est encore plus ça, c'est lui-même qui l'a... Oui, c'est lui-même qui l'a écrit. Donc, ça a quelque chose de très intime et de très... Bon, il se livre à toi. Donc, c'est super le fun. C'est pour les curieux, c'est pour les gens qui veulent tout simplement découvrir ça. Donc, du 24 au 29 mai 2011, à Montréal, métro Jean Talon. Et c'est le Festival de la poésie. Oui. Juste comme ça. Ben c'est simple. Le Festival de la poésie. Oui, dans le fond, c'est à Casa d'Italia. C'est le nom de l'endroit. OK. Oui, c'est ça. Et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur Internet et vous écrivez www.maisondelapoésie.qc.ca. Parfait. Et il y a aussi autre chose qui s'en vient dont tu nous as parlé la semaine passée, le Festival international d'art sans corps. C'est du 2 au 5 juin. C'est donc, c'est jeudi, pas qui s'en vient là, l'autre après. Oui. C'est ça. Dans le fond, je vous le rappelle, c'est des événements entourant la danse, autant des compétitions d'amateurs, autant des ateliers de danse. Vous allez sur Internet et vous pouvez vous inscrire à des ateliers, mais faites vite parce que les places se prennent rapidement, parce que c'est vraiment le fun. C'est des professionnels qui viennent, qui donnent des ateliers, autant pour les débutants, pour les personnes qui sont initiées. C'est un festival qui risque d'être très intéressant. Il y a également des spectacles, donc des spectacles de danseurs professionnels. C'est à ne pas manquer à Trois-Rivières. Comme dirait un Français, c'est le pied. C'est une joke de danse. C'est aussi recherché que la clinique de podiatrie l'UQTR qui utilise le même slogan, c'est le pied. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Oui. Festival. Bon festival, comme j'aime le dire, moi, et que les gens me disent que c'est pas correct. Moi, je dis que ça l'est. C'est comme ça. Alors, on va retourner à notre palmarès anglophone. On était rendu à la position numéro 4. C'est Ringo Dead Star avec So High. Et ça, Marie-Pierre, c'est l'ancien numéro 1. Ah, ça a reculé. Est-ce que ça va mourir? Hein? Je ne sais pas. Ringo Dead Star, Death comme... Death, la mort. Je vais arrêter de t'expliquer. C'est pas nécessaire. Hein? Ça fera pas moi une vedette. Star. Star. Non, j'essaye. j'oublie toujours comment elle est courte, cette pièce-là, Ringo Dead Star avec So High. On va l'entendre tout de suite, la position numéro 3, The Stand. Oui, The Stand, du groupe Mother Mother. Ben oui, vite de même, t'as. Avec rien entre les deux. T'sais, sauf un silence inconfortable. Parlant de silence inconfortable, tantôt, on va parler dans l'audition avec Simon. Parce qu'il y a des moments inconfortables là-dedans. Oui. Un peu comme ça. Là. On vous en reparle tantôt. Ouais. Mettons. Pièce? Oui. OK. Hey! I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice, but then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers, and all of their pets, and their chandeliers, and their cigarettes. I haven't smoked in years. I can understand the sight of it all. I can understand the sound of it all. I can understand the taste of it all. The human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars. It's like paradise, spread out with a butter knife. I can understand the sight of it all. I can understand the sound of it all. I can understand the taste of it all. Don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Mother Mother et The Stand en position numéro 3. Ça monte de 17 places. Imaginez comment ça a monté, ça, grâce à nous surtout. Non, on prendra pas le crédit pour ça. Là. Ah, mais c'est la première fois que j'entendais cette chanson-là. Ah oui? Donc c'est pas de ma faute. Ah bon, bon, ben, c'est la mienne de bon. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Il nous reste une quarantaine de minutes à cette émission où on est en direct le jeudi 19 mai. Mais je vous rappelle que tout l'été, on est diffusé aussi les samedis à midi et les lundis à 15h. C'est dur à retenir, j'avoue, mais allez voir sur lecifou.ca pour la programmation complète de C'est fou. Il y en a plein d'autres émissions, plein étant au moins plusieurs. Au moins plusieurs. Quelques-unes, du moins. Ouais. Un peu comme La Planète qui existe depuis au moins plusieurs années, comme j'ai dit tantôt. Minimum. Minimum, plus ou moins, là. Faut quand même relativiser la chose. Tout à l'heure, on va entendre les positions numéro 2 et 1. On sait qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. Mais avant ça... Marie-Pierre, parlons un petit peu de... On vient juste d'apprendre la nouvelle, ça vient de tomber en direct pendant l'émission. Oui, une nouvelle toute fraîche. En audition avec Simon, bon, l'émission qui est diffusée sur Tout.tv, qui a gagné la semaine passée un Olivier et qui avait gagné un prix du mix, elle va être de retour pour une troisième saison. Donc, si on se rappelle un peu c'est quoi en audition avec Simon, c'est Simon-Olivier Fecteau qui passe des auditions avec des artistes connus, des comédiens connus. Donc, il fait passer des auditions à des artistes connus en compagnie d'Étienne Passilé et, bon... Simon de Ouattatata. De Ouattatata. Évidemment. Et Simon-Olivier Fecteau est des plus désagréables. Oh oui. Donc, un peu hautain, tu sais, il fait face, par exemple, à Michel Côté, il ose lui dire que c'est pas bon ce qu'il fait. Donc, un Simon Olivier Fecteau plutôt désagréable. Donc, si vous avez jamais écouté cette émission-là, je vous le conseille fortement sur tout.tv. Bon, c'est juste, c'est rempli de malaise. C'est ça qui est fun. Ah, c'est rempli de malaise, mais c'est des beaux malaises, là. Oui, des beaux moments. Simon Olivier Fecteau crée de très bons malaises. Est-ce qu'on peut nommer quelques artistes? Il y a eu, entre autres, Marc Labrèche, Xavier Dolan, Charles Lafortune, Anne Dorval. Ben oui. Pierre-François Lejeune. Oui. Patrice Lécuyer dans un de ses très bons rôles, je trouve. J'adore ça. Ça, c'est juste. Pierre Parquin. Donc, il y en a des tonnes et des tonnes. Il passe plusieurs artistes et ça donne toujours un bon résultat. À date, il y a eu 20 épisodes dans la saison 2 et 20 dans la saison 1. Donc, on peut s'attendre, j'imagine, à une troisième saison de 20 épisodes aussi. Probablement. Ce qui va nous amener à 60. Et il y a eu des émissions à la télé aussi. Vous pouvez aller sur tout.tv pour regarder les trois parties en audition avec Simon à la télé parce qu'ils avaient ramassé plusieurs de ces sketchs-là en une demi-heure à la fois avec des petits enrobages autour. Donc, ça donnait quelque chose d'assez similaire pour ceux qui l'avaient déjà vu sur le web, mais quand même un petit peu de nouveauté, mais pas très. Donc, la nouvelle toute fraîche qui fait le bonheur. On est très heureux en édition avec Simon sur tout.tv. Alors, on va écouter d'ailleurs une pièce de quelqu'un qui a participé à cette émission-là, à cette web émission-là. Oui, on va aller écouter le groupe Caïman Fou parce que Isabelle Blais a déjà participé en audition avec Simon. Oui, et on adore ce groupe-là. On les fait jouer depuis leur début assez fou et leur plus récent album s'appelle Drôle d'animal. On va aller écouter l'extrait Drôle d'animal tout de suite. À quand du nouveau Caïman Fou? Allez, là. Ouh là là, ce serait bon! Je n'ai pas peur de toi, ouh là là. Si j'ai peur, c'est de moi. Je suis des lacs comme ballon, pleine de saveur. Si tu veux me gonfler, fais attention à trop m'étirer. reste là, accroché en haut de mon toit. Elle se moque de moi encore une fois. Imposant leur triste routine, ma carcasse lourde frôle l'inutile, trop fragile pour te faire signe, et mon sourire s'envole. C'était Marc-Pierre Arthur avec Pourquoi? Ben pourquoi? Ben parce que c'est de même. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses si on prend une minuscule pause et puis qu'on revient après avec une dernière demi-heure? J'en pense que c'est une très bonne idée. Ce serait pas pire, ok, mais on fait ça d'abord. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Rocky, c'est fou? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. This is love. To be said in approximately 3,000 miles away. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Il reste une demi-heure environ à Assemblage requis. Une demi-heure, c'est pas très très long. Non, ça passe très vite. Donc, on va se dépêcher à faire une rafale de faits dans la chronique. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Hein, évidemment. Commençons avec Alexandre le Grand. Tu connais Alexandre le Grand? Oui. Oui. Qui avait deux yeux de couleurs différentes. Ah, ça, c'est chouette. C'est vraiment cool, je trouve ça bien. Ce qu'on appelle l'hétérochromia iridium, hein, qui est causé par un excès ou un manque de pigment dans les iris d'une personne. Donc, c'est aussi possible d'avoir un iris qui serait d'une couleur différente que le reste de l'œil. Genre, deux couleurs à l'intérieur de même œil. En plus d'Alexandre le Grand, il y a plusieurs autres personnes qui ont cette condition-là, dont Wentworth Miller, qui était dans Prison Break, la série télé. Ah! Henry... vas-y. Je me demande juste quel personnage il jouait. Ah! Oh, ça mystère. Ça m'intrigue. Il y a Henry Cavill, qui joue le nouveau Superman. Cavill? Cavill? En tout cas. Kate Bosworth et Mila Kunis. J'adore Mila Kunis. L'hétérochromie est en fait quelque chose de vraiment pas commun du tout chez les humains, mais on peut l'observer dans d'autres espèces, dont les chiens. Cette condition, on la voit souvent dans les Siberian Husky, les Australian Shepherd et les Catahoula Leopard. D'accord, là, j'essaierai même pas de traduire ça en français. Avec les chats, les yeux impairs, si on veut, sont le plus communs dans des races telles que le Turkish Van, Turkish Angora, les Sphinx et les Japanese Bobtail. En fait, les chats avec de l'hétérochromie étaient tellement recherchés en Turquie qu'en 1917, le gouvernement turc a débuté un programme fait spécifiquement pour continuer l'espèce, si on veut, pour mélanger des chats qui avaient cette chose-là, pour en avoir plus. Tu sais, j'ai dit mon chat quand j'étais jeune, avait ça, moi. Oui? Un œil vert et un œil. C'est beau, des chiens husky qui ont ça aussi. C'est cute. La reine Victoria... On lui donne le crédit. Apparemment que c'est elle qui a débuté la tradition des femmes, des mariées qui portent des robes blanches. Parce qu'avant le mariage de Victoria en 1840, les robes de mariage n'étaient pas considérées comme pratiques. On disait que c'était pas pratique parce qu'on les portait qu'une seule fois et la plupart des gens ne pouvaient pas se permettre de dépenser autant d'argent sur quelque chose d'aussi extravagant. Donc les mariés portaient des robes de couleur, dont le noir, qu'on associe maintenant avec les funérailles. Le choix de la reine Victoria a causé un grand impact à ce moment-là parce que qu'est-ce que ça dit ici? Parce que jusqu'à ce jour-là, si on veut, la royauté, si on veut, dans le fond, comment tu t'appelles ça, les gens royaux, portaient des robes avec des bijoux dessus, des genres de plein de bijoux sur leurs robes, sur le genre. Bref, les femmes voyaient la soie comme étant quelque chose d'original. Ils ont décidé de suivre ça, si on veut. Bref, une tradition qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, heureux de l'avoir fini cet article-là. Je comprenais pas. Les femmes rêvent de sexe aussi souvent que les hommes. Ah ben, j'aurais pensé le contraire. On dit que les hommes rêvent au sexe à toutes les quoi, 7 secondes ou peu importe ce que la statistique dit. Ah, mais c'est peut-être en rêve quand on dort, mettons. Le fait sur ce moment-là de la journée. Pas tout à fait certain. Bref, on dit que selon une étude de 2007... j'ai de la misère à traduire aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Le type de rêve sexuel que les parties... Ah, sérieusement, j'ai beaucoup trop de misère à traduire en ce moment. Je vais juste passer au suivant, ça va mieux. Mais non, ça dit que... Non, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire. Ça dit que 90% des rêves des hommes ont rapport avec l'initiation du sexe. Donc, ce serait la femme qui initierait le sexe. C'est ce que les hommes préfèrent dans leurs rêves. Ils préfèrent que les femmes les abordent et... que ce soit eux qui initient la chose. Donc, c'est vraiment lorsqu'ils dorment. Ben, d'après moi, c'est ce que ça veut dire. Bref, on va aller au sujet. Je vous en parlerai tantôt, une autre fois, peut-être. On parle d'une petite baie, si on veut, qui s'appelle... est-ce que ça a un nom? C'est le Miracle Fruit, en tout cas, c'est comme ça que les gens l'appellent, qui peut changer comment on reconnaît les saveurs. Par exemple, cette petite baie-là que tu mangerais ferait que de la bière goûterait le chocolat, que de la sauce Tabasco goûterait les beignes. Okay. Et même que les gens font des genres de rassemblements, des petites fêtes, des flavor tripping parties, où les gens essaient différentes nourritures et les goûtent avec cette baie-là pour les faire goûter différemment, donc ils s'amusent avec ça. Le fruit de son vrai nom, c'est le Sinsipalum dulcificum, qui contient une protéine spéciale qui s'accroche à vos papilles gustatives et produit des saveurs sucrées lorsqu'ils entrent en contact avec une saveur acide. Donc, si tu manges quelque chose de surette ou d'épicé, ça va finir par goûter très, très sucré. Les gens connaissent ce fruit-là depuis des siècles et c'est un fruit légal qui n'a aucun effet secondaire dangereux. Par contre, c'est difficile d'en trouver. Ça se trouve en Afrique de l'Ouest et c'est un fruit qui devient mauvais très, très rapidement. Donc, il faut que tu le manges rapidement. Tu le cueilles, tu le manges. Exactement. Ça coûte environ 2$ par petite baie. Sinsipalum dulcificum. On dirait que je suis sceptique. On dirait presque une blague ou quelque chose pour faire vendre. J'avoue. Mais non, il n'y a pas de grosse marque derrière ça, donc c'est pas une compagnie qui essaie de vous vendre quelque chose. C'est un fruit. Et apparemment, vu que ça existe depuis longtemps, que c'est même pas quelque chose de spécial pour bien des gens. C'est comme quelque chose de bien normal, sûrement en Afrique de l'Ouest. Mais bon, nous, on n'est pas encore au courant, faut croire. Il y a un gros gratte-ciel au Japon qui a une autoroute qui passe au travers. C'est un édifice de 16 étages, le Gate Tower à Osaka, qui a quelque chose de très, très unique. Donc, c'est la sortie... Si tu prends la sortie Umeda sur l'Anshin Expressway, tu vas pouvoir passer directement à travers la bâtisse. Donc, ça passe entre le 5e et le 7e étage. C'est un... Ben, dans le fond, c'est deux étages-là. C'est trois étages, finalement. 5, 6 et 7, ouais. Donc, c'est seulement des ascenseurs que là-bas et des escaliers et d'autres machineries. Donc, c'est pas des bureaux. Il y a pas littéralement quelqu'un qui passe à côté quand t'es en train de travailler. Bref, vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est très intéressant. Sais-tu que la Maison Blanche ne s'appelait pas la Maison Blanche avant 1901? Non. Étrange, hein? Le président Theodore Roosevelt lui a donné son nom à cette bâtisse-là. C'est donc 100 ans après la construction et après que ses premiers résidents, John et Abigail Adams, aient emménagé. Donc avant ça, la maison du président s'appelait l'Executive Mansion, donc le manoir exécutif. The President's House, la maison du président, et le palais du président, President's Palace. Maintenant, on l'appelle la Maison Blanche, mais ça prend 570 gallons de peinture blanche pour faire la Maison Blanche une Maison Blanche. 570 gallons, ça revient cher au 1er juillet, ça. Quand même. Écoute, déjà cher de même quand t'en prends 4-5. Il y a une... comment t'appelles ça? Une personne qui tape en cours. Tu sais, à la cour, une sténographe. C'est ça? Tu sais, qui tape sur une dactylo, là, les... Oui. Je crois que c'est sténographe. Donc, il y a une sténographe de cours qui a été envoyée en prison parce qu'elle n'avait pas complété une transcription à temps, dans les temps délimités, prescrits. Anne Margaret Smith, qui était envoyée en prison en 2007 parce qu'elle n'avait pas produit la transcription pour le procès d'un violeur, là, bref. Là. Smith, qui avait déjà remis ça pendant plusieurs mois, a dû passer en cours elle-même et donc n'a pas réussi à envoyer son texte à la bonne date. Plus tard cette semaine-là, la sténographe a été relâchée de prison, a été placée en house arrest, donc elle devait rester à la maison sans sortir. Et puis, elle s'est dit que le house arrest s'est terminé alors qu'elle a réussi à compléter les 400 dernières pages du document de 1500 pages. 1500 pages! Mais OK, je peux comprendre qu'elle ait un retard dans ce cas-là. Je trouvais ça spécial. Tu te dis, bon, je risque d'avoir une conséquence si j'ai pas fini ça à temps. J'étais comme, fais un petit effort. Ouais. Mais, OK, s'il y avait autant de pages, c'est moins surprenant. C'est compréhensible. Mais les sténographes, là, j'avais lu ou je sais pas trop quoi, j'imagine que c'est tout le monde sait ça, mais les claviers sont spéciaux. C'est pas un clavier d'ordinateur normal ou de dactylo. C'est comme par... je sais pas si c'est par syllabe ou en tout cas par différents... Ils ont des raccourcis, en tout cas, exactement pour les mots. Exactement. OK, je vais y aller avec quelques derniers choix. Je vais te demander de choisir entre les derniers. T'as soit Gene Kelly qui a fait Singing in the Rain, tu sais, Singing in the Rain, oui. Qui a filmé sa séquence de danse alors qu'il faisait une fièvre. Okay. Et Johnny Depp qui ne peut pas regarder son propre film Pirates of the Caribbean parce qu'il était filmé en 3D. Ah, tu me demandes de choisir entre ces deux-là? Choisir entre les deux. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Donc, Johnny Depp ne peut pas regarder son film Pirates of the Caribbean parce qu'il a été filmé en 3D. C'est une situation assez incroyable. En fait, il y a bien des gens qui peuvent pas voir la 3D. Donc, l'acteur versatile n'est pas capable de regarder son film parce que, ou n'importe quel film qui n'est pas en 2D, parce qu'il fait partie d'un petit groupe de gens qui ne peuvent pas donc voir l'effet en trois dimensions. C'est un désordre qui s'appelle stereo blindness, ce qui veut dire que les yeux de Johnny Depp ne sont pas alignés correctement. Ah ben. Ce problème affecte 1/5 de la population et cause une division entre où les yeux de la personne veulent regarder et comparé à où est-ce qu'il regarde vraiment. Donc Depp lui-même dit que appelle sa maladie le weird eye et vraiment la condition a aucune autre conséquence autre que de sauver de l'argent parce que voir un film en 3D ça coûte plus cher. Mais t'as dit qu'il y avait combien de personnes? 1/5. OK, donc c'est vraiment une personne sur 5 qui ne peut pas regarder des films 3D. C'est ça, c'est quand même répandu donc. Donc les compagnies qui misent tout sur le 3D en ce moment, peut-être que c'est pas tant le futur que ça parce que 1/5 de la population, c'est beaucoup de gens. Je trouve. Ouais. Et l'autre histoire sur Gene Kelly, c'est simplement qu'il a filmé Singing in the Rain avec une fièvre de 103 degrés. Si vous voulez aller voir l'extrait et tout l'article, c'est sur assemblagerequis.com. Donc le gars était complètement malade quand il a filmé cette scène-là et ça donnait quand même quelque chose d'assez mémorable. Voilà, les liens, comme je disais, sur assemblagerequis.com et ceux de la chronique que j'avais plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui, ils sont tous là, assemblagerequis.com. Il nous reste environ une vingtaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui et ça tombe mieux parce qu'il nous reste seulement les numéros 1 et un petit peu d'électronique à entendre. Oui. On va entendre tout à l'heure la position numéro 1. Évidemment, on ne la dit pas. Je te laisse dire la position numéro 2. La position numéro 2, c'est le groupe Cardinal Family Singers et avec la chanson « You Will Never Take This Song ». Ouh, c'était bien prononcé. Merci. I could hear the creaking of my door. I could hear your footsteps on the floor. But I never saw you. You were dressed in black. And when I turned on the lights, everything was gone. In the snow I found your tracks. Looked like you were never coming back. One it left me with my guitar. And that's the one mistake you made. You will never take this song. I can't remember when we got along. You will never take. Your picture in the paper today. Looks like everything is going your way. That's all fine and good with me. 'Cause I still got something to say. You will never take this on. When we got along, you will never take this song. I can't remember when we got along. Première position. Tu seras pas fier de moi, Marie-Pierre. J'ai oublié de revenir avant de faire mes jeux de mots. Oh. Pas de jeu de mots poche pour le numéro 1. La semaine prochaine. Ben, j'espère. Ça va peut-être être le même, on sait pas. Ben non, ça va être le franco. Ah, c'est vrai. Je suis désolé, Mathieu. T'as raison. Tu viens tout gâcher mes rêves, là. Je peux même pas faire mon jeu de mots. De toute façon, je pense que je l'avais déjà fait parce qu'il a déjà été numéro 1. Atomic Baobab avec Unstable qui monte de 2 places, 7e semaine de présence. Bravo. Ouais. Ensuite, on a entendu Cardinal Family Singers avec You Will Never Take This Song. Ça monte de 2 places. Alors, on a presque déjà terminé l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes à peine. Mais avant de terminer officiellement et de vous laisser entre les mains pour les auditeurs du jeudi d'une dose d'estrogène. Oui. Ma petite découverte, je vous en parle depuis le début de l'émission, donc ce serait comme malheureux de ne pas le faire, hein, quand même. C'est E-Ronnie qu'on a reçu. En fait, j'ai reçu un courriel pour me parler de E-Ronnie et j'ai vraiment aimé ça. Donc, on va entendre une pièce du Maxi Chi, qui est très, très récent, donc de 2011. On va écouter la pièce Got a Girl et puis ben, on en parle après, OK? Ça va, parfait. Ça? Ouais. Bon. Assemblage requis, c'est la vie de croisière d'Assemblage requis. Et puis là, ça devrait jouer dans genre 3, 2, 1, là maintenant, à peu près. Ah là, c'est bon. Les paroles sont bizarres. Au début surtout. Hop. I got a girl with a perfect body. I got a girl, she's a honey bunny. And every time she cries, what if her eye, do I know she lies? I got a girl with a bling bling handbag. I got a girl, she's a highly priced tag. And every time she smiles, what if her eye, do I know she lies? Every time she smiles, what if her eye. Got a Girl de E-Ronnie sur le Maxi Chi. Vous pouvez aller entendre des extraits sur Deezer.com à chercher E-Ronnie, E-R-O-N-Y. Et puis moi, j'ai vraiment apprécié ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est très bon. Il faut qu'on entende d'autres à un moment donné, par exemple. Hein? Je suis d'accord. Ouais. C'est la fin pas mal de notre émission pour cette semaine. On va se retrouver jeudi prochain entre 13h et 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Mais d'ici là, pour les auditeurs du jeudi, vous êtes entre les mains d'une dose d'estrogène. En fait, des mains... Ça va se faire un petit peu bizarre dit de même, par exemple. Je l'avoue, mais c'est pas grave. On va parler avec Marie-Michel Caron en direct du studio C, mettons, pour inventer une lettre. D'une dose d'estrogène. Qu'est-ce qui s'en vient à l'émission tantôt, Marie-Michel? Eh bien, à l'émission, on va parler de... Il y a eu une remise de prix à la Maison de la Culture cette semaine. Donc, je vais vous annoncer tous les prix culturels qui ont été remis. Mmh. Je vais aussi vous parler du Moulin Images. C'est la 4e année cette année. Il y a des nouveautés. Donc, je vais vous en parler. Puis, on va parler aussi du théâtre des gens de la place. Donc, restez là. Plein de bonne musique aussi avec ça. C'est une dose d'estrogène. C'est les jeudis à partir de 17h et ça rejoue les vendredis à 18h. Si vous écoutez le samedi, restez à l'écoute parce que c'est moi qui vais rester avec les gens pour l'émission C'était fou. C'est une reprise. Je suis pas vraiment en direct. Donc, ne vous en faites pas. Non, je me tape pas 5 heures de suite. C'est beaucoup trop long. Puis, si vous êtes le lundi, ça va être la sécheuse. Et puis, après ça, à 20h, ça va être rock révélé. Merci beaucoup à toi, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. C'était très agréable. Oui, ça va être encore meilleur la semaine prochaine. Pour moi. Toi, t'étais parfaite. Hein. Mais moi, l'amélioration encore, ça va bien. De l'amélioration pour tout le monde. Ouais, c'est ça. On va se quitter avec un extrait de Abby Buffalo. Oui, Abby Buffalo. Et puis... C'est un groupe, un excellent groupe. Ah oui? Oui, c'est bon? Absolument à écouter. Tu me forces à l'écouter jusqu'à la semaine prochaine. Je te force à l'écouter. Ah, les défis, moi, c'est le moment du dé... Non, de Grégory Richard dans Les Débrouillards qui faisait ça, non? Défis, non? Ça vous dirait? Mais ça va être ton défi pour la semaine prochaine. Parfait. Merci de me suivre dans mes niaiseries. Donc, à la semaine prochaine, jeudi, 13h. Bye. Salut. Bye. I'm